Salut les petits clous, vous êtes bien sur RQC et c'est 80 à l'heure. Allez, à plus, ciao. Ouais, bonsoir à tous. Bienvenue dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM. Oui, dans des studios où il fait une chaleur pas possible. Écoute, ça s'entend ta voix. Non, mais... Au bout de sa vie. J'espère que vous allez bien, que vous allez chaudement, chers amis RQC, RQCN. Ici, on est en l'équipe au complet. Avec, à côté de moi, il y a Onissa. Hein. Voilà, salut Onissa. J'espère que vous êtes en meilleure forme. Que je sais pas comment on fait quand même pour s'habiller tout en noir comme ça, avec une belle chemise... Comme s'il revenait du boulot, quoi. Il revient du deuil. Ah, moi, c'est débardeur, le short obligé. J'ai perdu un glaçon, je porte le deuil. Il a fondu. Sur ses bursites. Ouais, d'accord. Il va falloir vous expliquer tout ça. Alors, Onissa, quoi de neuf? Tout va bien. Un week-end hyper chargé, mais bon, tout y va bien. Ah ouais, qu'est-ce que ça fait de beau ce week-end? Répétition, et j'ai préparé parce que j'ai ma filleule qui remonte de Bergerac avec ses parents. Tu vas monter sur scène, alors? Ouais. Ah, bah quand? La semaine prochaine, on est samedi dimanche. Ah, bah tu vas nous en parler? Mais oui, comment ça c'est qu'on est pas au courant? Non, je n'en parlerai pas. Mais pourquoi? Parce que c'est mon choix. Ah bon, mais il faudrait que tu nous en parles. Pourquoi c'est ton choix? Pourquoi tu veux pas qu'on en parle, dis donc? C'est pas une... Si, c'est une super, un super truc. Ah, c'est parce que ça se passe au Minoy. Ah ouais, là c'est géant. D'accord, c'est pour ça? Non, j'en parlerai, j'en toucherai deux mots. Ouais. Bah oui, t'as intérêt. À côté de toi, évidemment, le grand et le ténébreux Canon qui est avec nous. Bonsoir. Oh mon dieu, non, les garçons. Bonsoir, allez, Canon, hein. Comment ça va? Mal. Ça va mal, si tu veux, j'ai une serviette dans le dos là. Mais maintenant qu'elle est dans ton dos, j'ai plus envie de la voir sur ma. Peut-être que si elle était sur le sein. Non, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Tu auras aussi de l'actualité. Oui, j'ai des choses. Oui, on va parler de. On arrive dans la période évidemment de la fête de la musique. Donc il y aura quelques petits événements assez sympas dans la région. Oui. Donc on en parlera bien évidemment. Nous sommes aussi ici également avec Flipkat. Oui. Bonsoir. Oh mon dieu! Quelle horreur! Si l'émission se passe comme ça toute la soirée, ça va être un carnage. je l'ai vu se balader il y a deux jours en short, il était plus guiré. Hein. Ah non, c'était hier. Je me suis pas rasé les guibolles donc. T'es en short aujourd'hui, non? T'es pas en short? J'ai pas vu, t'es en short aujourd'hui? Non, il est en proche. C'est parce qu'il est assis là. Par respect pour nos auditeurs et auditrices, il s'est mis en pantalon évidemment. Oh non, moi je voudrais bien te voir en short quand même. Bah, j'aimerais, ouais. Yeah. Ah, franchement, regarde pas. Et vous vous rappelez quand même qu'il y avait une année où on devait venir en kilt? Oh, oui. J'adore. Ouais, mais comme je me sentais motivé. Si, moi j'étais partant pour venir en kilt. Il faut trouver un kilt. Parce que ce que j'aime bien, c'est toujours, ouais, il faudrait. Et un an après, on est toujours avec la même femme. Ouais, c'est vrai, il faudrait. Il faudrait que tu deviennes agréable déjà. ça fait deux ans. Non, mais la soeur, j'ai pas envie d'être agréable du tout. C'était à ton initiative. Moi c'était ok, c'était tout bon. Vous allez faire ça comme si bientôt mon anniversaire, s'il vous plaît. Moi, si tu veux, écoute, tu sais quoi, Onissa, rien que pour toi, je viendrai en kilt. Oh yeah! Parce que comme je vois que je peux pas compter sur. J'espère que c'est pas mardi ton anniversaire. Non, par contre, c'est vendredi. Mais bon, ça va, vous verrez vendredi, c'est parfait. Onissa, par contre, quand tu dis à tout le monde d'arrêter, tu pourrais éviter de bouger les bras. Je pue pas les bras, moi. Espèce d'enfoiré. Ouais, c'est un peu, ça me fait penser un peu à la pub des nuls, là. La parodie de Sanex. Ah oui. On n'en dira pas plus. C'est bon, ça. Ouais. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Ah, si. Ah ouais, ouais. Sale sexe. Bien sûr. Bon, il y a plutôt les garçons là. Ah, il y a Sherlock aussi, mais j'avais pas vu. Oh. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Qui lui a bossé, tiens, dis donc, pour ces deux chroniques. C'est le seul qui bosse, oui, forcément. Ouais. Voilà, donc avec une chronique Rétro Ciné 80. C'est ça, ouais. Donc à 21h. Un film de quelle année? Un film de 85. 85, ouais. Une comédie, un film. Je vais pas te le dire tout de suite. C'est vrai. Et évidemment, donc à 22h, tu nous parleras donc des sorties Cinoche. Ouais. Et là, ça donne envie d'aller au cinéma, dans les salles climatisées. Bah oui, c'est ça, ouais. Oui. Donc, même si les films sont pourris, allez au cinéma. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais c'est mais ça. Chez moi, il fait. T'as des entrées, moi, nous filer Non, mais. Ah, bah écoute, ça peut peut-être s'arranger, on verra. Ouais. Bon, ok, ça marche. Moi, j'en ai. Et puis, nous allons recevoir donc d'ici quelques minutes l'association qu'on connaît très bien, donc Un rêve, une étoile et tout est possible, puisqu'ils organisent donc un concert dans ces prochains jours. Ils vont nous en parler avec notre ami Fabrice Joseph. Ah, il est adorable, lui. Ouais. Oh, ça va. Hein, lui, il est agréable. On est là aussi. Hein, bon. Donc, et puis il y aura plein de petites actualités. On parlera de fête de la musique, évidemment, puisqu'il y aura la fête de la musique le 21 juin. Donc il y a quelques petits événements un peu sympas par-ci, par-là. Le 23 aussi. Avec le beau temps. La fête du slip. Ah bon ? Et c'est vrai en plus. Non, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Non, c'est parce que la date elle est pas déterminée, mais c'est à l'étude. Hein. Non, non, mais attends, je sais que dans le sud, il y a une ville où ils font la fête du slip. Bah oui, je pense. C'est au mois d'août. Ouais, c'est ça. Mais alors, par contre, la date, je sais plus, mais j'étais allé une fois. Alors, c'est du côté de. Le slip, c'est en bas. du côté de Serré, vers. À côté de ça, ouais, si c'est trop serré, faut prendre une taille au-dessus. Une fête qui nous vient tout droit du Japon. Et ouais. Ouais. Pour le savoir. Qui s'appelle le Sakakiki. Ouais. Ah, moi j'ai entendu Sakayoyo. C'est ça aussi. Sakayoyo. C'est pas côté de Jouy. C'est ça, non, mais à côté de Bourg-la-Reine, tu vois. Ça commence fort. Ouais, ouais. Bon, allez, on va. Non, c'est du côté de Bourg-Madame, je pense. Parce que Bourg-Madame est dans le sud, vraiment sur la route d'Andorre. Ah ouais, ça existe vraiment, Bourg-Madame. Ouais, ouais, Bourg-Madame, ça existe. En fait, on passe, quand on part de Perpignan pour aller vers Andorre, on passe dans le petit village de Bourg-Madame. Quand tu Bourg-Madame, tu t'endors après. Et souvent, il y a souvent des bouchons à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas si c'est parce que les gens veulent vraiment voir. Ah, ben, il faut enlever le plug, hein, c'est sûr. C'est... Mais c'est vrai que dans ce coin-là, il y a aussi la chambre d'amour. La chambre d'amour ? Ouais, c'est une plage, ouais. D'accord. Ah, t'as des bouchons quand tu bordes madame. Bah écoute. Non, non. S'ils sont plusieurs. Mais ils devraient faire la fête du slip à mon cul, je trouve. Ouais, ça serait sympa. Ou à Saint-Claude. Le jour de la fête des tailleurs de pipe. Tant qu'à faire. Ah oui, c'est un fameux truc. Bah si, le 7 octobre. Vous voulez que je vous rappelle la fête? Bon, allez. Trêve de plaisanterie, on va continuer en musique. Oui, ouais. C'est désespérant, refus-le. Tu le dis avec tellement de conviction. On va prendre l'air en fait. Mais tu sais, je suis certain qu'il n'y a aucun auditeur, ils sont tous dehors. Ah bah si, bah, ils nous écoutent dehors. Ils sont dehors. Ils en ont rien à secouer, nos conneries en fait. À ça. Ah, peut-être aussi. Bah, ils ont bien raison, quelque part. Du moment qu'on s'éclate. N'hésitez pas à nous dire ce que vous faites en ce moment, si vous êtes en extérieur et que vous nous écoutez. Envoyez-nous vos photos, si vous êtes sur la terrasse, au bord d'un café, à la paix. Ils vont tous envoyer des photos avec des glaçons, des machins à crever. Alors bon, on va se retrouver après une petite pause musicale avec. C'est un processeur, il est en surchauffe. Ah, pendant la pause musicale, je vais aller acheter la tournée de Mr Freeze. On va se faire une tournée de Mr Freeze. Qu'est-ce qu'on pense? Ça peut être bien. Tu veux quel parfum, toi? Coca. Ah bah oui, évidemment. Orange, moi. Orange, ok, pour toi ce sera Burrito. Je suis spam, monsieur. Alors donc, on va se retrouver après Van Halen avec Jump. Ouais. Parce que c'est l'anniversaire du groupe de Van Halen. Bah, bon anniversaire. Bah ouais. Ouais, on l'embrasse. Ensuite, tu peux mettre la musique, on sort. C'est bon, ouais. On fera la dénonce après. Avec Lionel Richie et All Night Long, parce que c'est l'anniversaire de. De All Night Long. Et on l'embrasse. Et ensuite, on reviendra avec un Duran Duran et The Reflex, parce que c'est l'anniversaire d'un Duran. De Duran Duran. Duran Duran. Voilà. Ouais. Et qui n'est pas né à Baden-Baden, hein. Contrairement à ce qu'on pense. Ni à. Vas-y, lance la musique. Bourra Bourra. Vous n'avez pas me refaire la semaine dernière. Allez, c'est parti. Bourra Bourra.

people dancing all in the street. See the rhythm all in their feet. Life is good, wild and sweet. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song. Eh oui, alors donc là on vient d'entendre évidemment All Night Long de Lionel Richie, n'est-ce pas, précédé de Duran Duran avec The Reflex. Et puis bah, le premier, je m'en rappelle plus, j'ai un trou de mémoire, Sherlock. Le premier c'était Van Halen avec Jump. Ah oui, oui, absolument. Bah dis donc, Van Halen il tourne encore ou pas? Bonne question, on va demander à Flipkat qui connaît Van Halen. Est-ce que David Lee Roth tourne encore? Lui, on peut être bien en solo, ouais, mais par contre, le groupe, j'ai pas l'impression. Van Halen, je crois pas. Non, non. Le groupe Van Halen, non. Bah, tiens, justement, tiens, ça n'a rien à voir, mais si je vous parle de Big in Japan, ça me Alphaville. Sûr, Alphaville. Ouais, ouais, absolument. Et, Forever Young aussi. Hein, et, Alors, il y a une fête qu'il ne faut absolument pas louper. C'est la fête de la Sainte-Anne. Est-ce que vous connaissez la fête de la Sainte-Anne? Non, c'est Sœur Anne. Alors, vous connaissez les fêtes de la Sainte-Anne, ça existe depuis plusieurs années. J'ai eu l'occasion de m'y rendre plusieurs fois. Et en fait, c'est une fête qui a lieu donc à Péruwé. Oui. Péruwé, qui est pas très loin, hein, qui est à quelques kilomètres d'ici. Et puis donc, toute la ville est en fête. Et ils organisent à chaque fois donc un concert avec un plateau gratuit. Ouais, et c'est vachement sympa. J'ai eu l'occasion d'aller voir des groupes de renommée pendant les fêtes de la Sainte-Anne. Et cette année, c'est le groupe Alphaville. Excellent. Ah ouais. Et ouais, Alphaville qui vient donc aux fêtes de la Sainte-Anne. Et je vais vous dire exactement la date des fêtes de la Sainte-Anne. C'est le 30 juillet. Ah bon? Très bien. Le 30 juillet, donc fête de la Sainte-Anne. J'ai entendu parler, ça. Alors nous avions eu l'occasion à l'époque d'aller voir un groupe qui était... un cover band, mais je me souviens plus du nom, qui reprenait tous les titres des années 80, mais excellent, qui fait beaucoup parler de lui, mais je me souviens plus du nom. Et c'était aussi la fois où on avait rencontré Gérard Blanc. Oui, d'accord. Gérard Blanc avait aussi également fait partie du concert. Et donc là, c'est cette année, franchement, notez sur vos tablettes, 30 juillet, le groupe Alphaville, ça va rappeler des bons souvenirs à nos amis trentenaires, quarantenaires et cinquantenaires, hein, Onissa ? Oui. Ouais. Donc c'est le 30 juillet et c'est gratuit. Alors par contre, un conseil, arrivez beaucoup à l'avance parce que arrive le matin, toute la ville est fermée, pour se garer, c'est la croix la bannière, et puis ensuite pour avoir une bonne place... devant le plateau, c'est un peu le problème. C'est chaud. Bah, Super Way, c'est pas grand. Hein. Je connais bien. Je connais très bien Super Way. C'est pas, il y a pas 10 axes de communication. C'est sur le parc central. Il y a un parc au milieu de la ville. Ah, c'est là. Ouais, c'est sur le parc central. Ah ouais. Si les voitures se garent autour, c'est chaud. Un petit étang. À mon avis, en fin de soirée, il y en a quelques-uns qui tombent dedans. donc voilà. Mais franchement, là, c'est une date à retenir. Pour la fête de la musique, vous de votre côté, vous avez des infos. 21 juin, il y a des groupes qu'on peut aller voir. Ouais, moi dans le cycle de ce que j'écoute, oui. Ah ouais, par exemple, vas-y, dis. Ah, bah, vous ne connaissez pas du tout. Bah, ça vient, ça. C'est des groupes locaux. J'ai des potes, les Odoutons. Mais c'est pas immédiatement dans les abords immédiats, je veux dire. Hein. C'est pas la fête de la musique. Ouais, non, si, dans l'occasion de la fête de la musique. Mais je veux dire, ils ne jouent pas dans les environs, quoi. Là, il fallait que je regarde, il me semble que c'est quand même dans le Pas-de-Calais, quoi. Ah oui, d'accord, d'accord. Alors moi, je sais aussi qu'il y a une date qu'il va falloir que vous reteniez, parce qu'évidemment, le 21 juin, c'est pas toujours évident, c'est en pleine semaine, pour les gens qui travaillent. Ouais, c'est un mercredi, je crois. Ouais, c'est un mercredi. D'habitude, c'est ma réplique, ça. Ouais. Non, je crois que c'est un jeudi. Non, c'est un jeudi. On n'est pas le 19 aujourd'hui. C'est un jeudi. On est le 19 aujourd'hui. Ah bah oui, c'est vrai. Bah oui. T'as un volant ce soir. On est le 20. On est le 20 aujourd'hui ou on est le 19? Bah demain, c'est demain. On est le 20 juin. Ah, c'est demain déjà. C'est demain, ouais. C'est demain. Donc bon. Ouais, mais il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Voilà, donc effectivement, donc le 21 juin, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Il y a beaucoup de choses qui se font ce week-end pour la fête de la musique. Exactement, et par exemple, le 24. Et ouais, et le 24, alors il va y avoir la fête de la musique qui sera organisée. Alors là, c'est chez un privé, mais on peut en parler, hein, c'est au Touareg, un restaurant oriental. Je peux vous dire qu'on y mange très très bien. Et non seulement vous allez y manger très très bien, mais ce dimanche-ci, vous aurez l'occasion d'écouter. C'est samedi ici. Dimanche-ci. Samedi. C'est samedi, c'est le 24. Si tu viens dimanche encore, tu ne serais pas là. Ah d'accord. Bon, c'est samedi soir. Il va encore me faire. Ah, c'était pas dimanche. Et bah donc vous l'avez compris, c'est notre ami Canon qui va faire un tour de champ. Donc samedi. Voilà, donc samedi soir à partir de 20h. Ouais, c'est restaurant le Touareg, donc c'est rue du Gauquier à Ouattrelot, c'est facile hein, quand vous êtes côté Herzo, c'est très très proche hein, voilà. Donc ce que tu disais, ouais, bonne restauration, c'est sur réservation, donc là c'est entrée, plat, dessert, apéro, la bouteille une bouteille de rosé, de vin rouge pour deux personnes, c'est sympa pour 29-30 euros. Ouais, euros. Par contre, vous pouvez venir comme ça boire un verre, parce que c'est la fête de la musique, donc il ouvre le restaurant. Ouais. Il sait très bien, voilà, il va avoir 20-25 réservations, c'est pas le but de blinder, se faire que de la... Voilà, c'est pas que ça. C'est pas... Pour ça qu'on peut en parler, je l'ai encore vu récemment, voilà, c'est pas du mercantilisme, c'est un commerçant, mais il est pas là pour se faire... voilà, il y en a non, mais sous. Parlons-en, mais c'est surtout pour non, toi. Non, mais je veux dire... Mais parce que c'est toi qu'on va aller voir, c'est pas de son couscous. J'interprète un... Parce que s'il fait cette chaleur-là, manger un couscous... J'interprète un set de 2h30 à peu près, dont voilà, il va avoir 50-60% des années 80, dont Dépêche Mode, U2, Culture Club... Donc un mix chanson romantique, si vous avez envie d'emballer, ramenez vos poissons. You raise me up. Absolument pas. Absolument pas. Non, sérieux, parce que, non, tu vas pas nous faire. Parce que c'est... You raise me up. Voilà. Non, parce que je chantais bien aussi. À part que j'ai une extinction de voix à cause de ces clims, et j'espère, je suis vraiment inquiet. J'espère que ça va soigner parce que là, je suis limite. Bah, tu sais comment on soigne ça hein. Vas-y, va jusqu'au bout de ta pensée, Onissa. Ouais. Oui, c'est de quoi je parle. Tu te couches avec un cache-nez, une cagoule. Elle me dit, tu te souviens? Ben oui, mais moi j'avais toujours mal à la gorge. Alors, mais moi ça allait beaucoup mieux. Je peux aussi vous rappeler de Lorraine, du groupe Rétro Fanfare, oui. Qui a créé donc une nouvelle formation qui s'appelle Bankster, qui tourne maintenant plutôt pas mal. Donc Bankster va aussi se produire, mais là à Lille, donc dans les rues de Lille. Sur la place de la République, donc aller rejoindre Bankster. Ils sont quatre, donc là, un chanteur, une percussionniste, un guitariste et Lorraine, bien sûr, au tuba. Une percussionniste ? Un percussionniste. Oui, un percussionniste. Un grand Brice, ouais. Voilà, Brice. C'est ça, je cherchais son nom, Brice. Ouais. Ah oui, que tu connais évidemment. Bien sûr, mais qui n'est pas de Nice. il est de. Non, je crois que c'est un Kenyan qui joue. C'est ça. Qui joue formidablement bien. Franchement, c'est un vrai percussionniste. Absolument. Donc, on ne désespère pas non plus de les faire venir ici. Tiens. Ouais, donc, on va attendre qu'ils fassent un peu plus frais. C'est ça. on va attendre. Bah, Brice, il aimera bien, lui. Ouais, bah, lui, ça ne dormira pas, je pense. Mais, en tout cas, Bankster, bah, n'hésitez pas aussi. Donc, au 21 juin, donc, dans les rues de Lille, donc, et spécialement donc, Place de la République. Alors, évidemment, il y en a plein d'autres des groupes. On ne les connaît pas tous. Mais si vous voulez vous amuser, il y a Lille. Alors, sur Moucron, je ne sais pas ce qui se passe à la fête de la musique. Je ne sais pas. Le 25, on va en parler. Il y a quelqu'un de. Voilà. Qui a une belle actualité qu'on va recevoir tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Très connu sur Moucron et de France et de Navarre. Fabrizio, évidemment. On en Monsieur parlera. Fabrizio Zeva. Et ben on en parlera juste après cette petite coupure musicale. Oui. De alors, trois quarts d'heure. Non, un bon 10 minutes, on va dire. Ouais. Oh, c'est sympa déjà. Donc avec Queen et I Want It All. Avec I Want Queen. It All. Ouais, mais répète le titre. I Want It All. Oh, il parle bien. I Want It All. Oh, ça, c'est. Ça, c'est du Fabrizio qui peut chanter ça, franchement. Ah, il pourrait, ouais. Ah, il chante bien Show Must Go On, je crois. Ah, oui. Il chante très, très bien que lui, ouais, je pense. Ensuite, Bronski Beat avec Small Town Boy. Ah, ça fait plaisir à Canon. Small Town Boy. Et ensuite, Pet Shop Boys avec It's a Sin. Pet Shop Boys. Ah, pardon. Pet Shop Boys. C'est très bon, c'est très bon. Allez, bah, c'est parti, on se retrouve après ça. I want it all. Just an alley creeper, light on his feet. this is Lee John of Imagination. Écoutez, 80 à l'heure, RQC, 95 FM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. Illusion. Illusion. Je crois que la chaleur elle nous tape sur la tête là. Surtout toi. Tu peux parler, tiens, dis donc, on dit ça. Mais moi c'est naturel. Donc vous êtes toujours dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM. Avec toute l'équipe, on est au complet avec Onissa. Yeah, hello. Avec Sherlock évidemment. Oui. Avec Flipkat. Oui. Avec Canon. Absolument. Alors lui il est un peu plus loin parce que ben, vu son grand âge, il est il est près du courant d'air en fait. Il est un peu chaud. Il est un peu chaud et je comprends. Et il nous aime. Voilà, je fais la traduction de ce qu'il vient de nous dire, évidemment. Par contre là, ce sont des gens qu'on aime beaucoup puisque c'est une association qu'on suit depuis bien 2-3 ans, je pense, facile. Un rêve, une étoile et tout est possible. Et on est donc avec la représentante donc de l'association, Véro, qui est avec nous. Bonsoir Véro. Bonsoir Véro. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Comment ça va? Ça va, chaudement. Ah, ouais, bah ouais, carrément. Et désolé pour la chaleur, hein, mais effectivement, bah, c'est comme ça. Et puis c'est bien parce que des fois après, on se sent bien quand on est tout chaud. Hein, on se glisse l'un l'autre. Ah, ça glisse. Alors, bien sûr, un rêve. On peut rappeler quand même aussi la vocation hein, de l'association. Donc, un rêve, une étoile et tout est possible. Donc, c'est pour les enfants défavorisés et les familles défavorisées. Et les enfants malades aussi. Voilà, et donc il y a plein d'événements qui sont organisés, il y a régulièrement des concerts. Le dernier en date, c'était, si je me rappelle, c'était avec Fabrizio. Oui. Et puis, j'ai oublié le nom, tu vas m'aider. Non, on a eu Alexis Confortorio aussi. Ouais. Ah oui. Le dernier, c'était avec Alexis Confortorio, c'était le 6 mai. Ouais. C'était ici à la salle Point Rouge. D'accord. Le 17 décembre, c'était avec Fabrizio, Nolan. Nolan, c'est ça, voilà. Alexis. Ouais. D'accord. Voilà. Et il y avait une jeune fille. Il y avait une femme aussi, oui. Hein. Mélanie Bonnefito. C'est ouais, ça. Voilà. D'accord. Oh, quelle mémoire, dis donc, Sherlock. Ouais, toi, t'as retenu. Il y avait une fille. Fabrizio, je m'en fous. Nolan, je m'en fous. Mais il y avait une jeune fille. Ah ouais, bah oui. Et donc, il va y avoir un événement donc, le 25 juin. Et ça aura lieu donc. À la Grange, ici, à Moucron. À la Grange. Donc, ancienne discothèque. Hein. Je ne sais pas si vous avez connu à l'époque. C'est ça, hein, c'est l'ancienne discothèque. Hein. Ça, je ne sais pas. Ah, bah, ça me dit quelque chose. Bah mais... oui, bien sûr, la grange, c'est à côté d'un pont. Bah, c'est près de la prairie, la grange, c'est vrai, en plus, c'est pas une blague. Ah, mais non, mais je confonds alors. Oui, bah oui, non, mais c'est vrai, non, d'accord. Et sur la voie rapide, près des près pompiers. Des pompiers, voilà. Oui, non, c'est pas du tout ça. Ah, d'accord. Ouais, la grange, je crois, c'est là où a eu lieu la remise des écharpes pour les Miss Moucron. Donc, donc ça n'a rien à voir avec la discothèque. Attention, c'est sur cette grande avenue où il y a les sapeurs-pompiers. Et du côté de la prairie, bien évidemment, donc la grange. Et il va y avoir donc un concert. Voilà, enfin, c'est un apéritif, donc ça débute vers midi. Ouais. C'est un apéritif suivi d'un thé dansant ouais. Qui sera animé par le talentueux Fabrizio. Un thé dansant Fabrizio, bonsoir. Bonsoir Fabrizio. Ouais, Nico, tu vas nous faire ça alors, sérieux? Ouais. Ah, tu me sens capable maintenant. Tu sais que je peux le faire. Ah oui. Chiche que tu le fasses. Bah oui, tu m'avais déjà mis un défi la dernière fois. Oui, c'est vrai, mais c'était pas une guinguette aussi. Nous pourrit pas notre après-midi. Alors, sérieux, c'est vrai, il devait chanter quoi? C'était. Il avait fait. C'était Perché lo fai de Marco Massi. Et oui, tu l'as fait, c'était un bel hommage et ça m'a fait vraiment plaisir. Et tu le chantes très bien. Merci. Et cette fois-ci, si t'es d'accord, je te lance un nouveau défi. C'est le zizi de Pierre Perret. Là. Je dirais pas où, mais là. Pour les enfants, c'est peut-être pas. C'est tout gentil. Ou alors le petit bonhomme en mousse. Non plus. Oh, bah alors. Et ni les sardines. Le petit vin blanc. Ah, le petit non, vin je connais blanc. Pas, je connais pas du tout, moi. Tu connais pas ce répertoire-là. Alors, on rappelle un peu ton répertoire, évidemment, Fabrizio. Bah, chansons françaises, chansons à texte. Ouais. Mélodie, grande mélodie, voilà. C'est vrai. Tu chantes en italien très bien, tu chantes en français très bien, tu chantes en anglais. En espagnol. En espagnol également. En anglais. En anglais, ah oui, parce qu'on parlait de certaines de tes reprises de Queen qui sont merveilleuses. C'est vrai? Ben oui, on en parlait hors antenne, effectivement. Oui, parce que j'ai passé le titre I Want It All de Queen. Et Harry me disait que tu chantais très bien The Show Must Go On. Mais tu te rappelles, t'étais là aussi, d'ailleurs. Ah oui, bien sûr. Je lui rappelais, mais c'est parce que lui, il a plus de mémoire, Sherlock. Donc non, je lui rappelle. C'est pas ça, c'est que pendant une heure, j'ai dû filmer notre ami Canon, j'avais plus de bras. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Non, mais vous le savez, j'aime chanter. Donc c'est je vrai. Je chante. Et on, ce qui et me on plaît, aime t'écouter je aussi. Chante, on, voilà. On aime t'écouter. Et alors, tu sais le programme alors? T'as quelques titres? Mais je ne sais jamais. Non, je jamais sais à l'avance. Jamais à l'avance. Moi, c'est. À la demande c'est, alors. C'est à l'inspiration au oui. Moment. Quoi. Il y aura des slow? Bah, certainement. Oui. Donc, il y aura pas Kello Faye? Non. Oh, pourquoi? Je pense pas. Elle est belle cette chanson. Ah ouais, cette fois-ci. Alors, mais on peut avoir quelques titres? Non, pas encore. Il n'y a rien qui est encore. Ouais, mais il y en a quelques-uns qui sont incontournables, j'imagine. Non, vraiment, je sais pas du tout. Bon, ok. Et c'est quand même ça m'embête pas de te les dire, mais là, vraiment. Ouais, mais je te rappelle que c'est dimanche. Peut-être du Laura Pausini, une semaine. Des choses comme ça. Peut-être. Du Laura Pausini? Ah, il pourrait. Pourquoi tu pourrais pas. Chanter du Laura Pausini, non? Peut-être, oui. Du Lara Fabian? Non. Ah si, je t'aime. Non. Alors tu mais en même temps, je veux dire, t'as une tessiture. C'est vrai que il fait du Balavoine aussi. Oui. Ah, oui. Merveilleusement bien. SOS d'un terrien en détresse. En plus, c'est pas une reprise tout à fait puisque c'est une version assez surprenante. Alors si celle-là tu la fais pas dimanche, je comprendrais pas. Hein. De quoi, de vivre ou survivre? C'était vivre ou survivre. C'était pas du tout SOS d'un terrien en détresse. C'est pas SOS d'un terrien en détresse que tu et tu l'as pas interprété celle-là. Où? Moi, je crois que c'était au petit Courtrai à l'époque. Ah ben si, certainement. Ouais, ouais, donc c'est vivre ou survivre, alors peut-être. Ouais. Alors, ma version, tu veux dire qu'on a passé ici à la radio? Oui, c'est ça, bah, absolument. Vivre ou survivre. Ah, pardon. Et Caruso, alors ça, c'est juste... Et Caruso, mais il sait pas déjà à l'avance s'il va le faire, donc on sait pas. Je vais voir au moment même. Et alors, et dis-moi, tes compos, t'en es où? Alors, l'album est terminé. Ça, je pouvais pas encore l'annoncer, tu sais, quand je suis venu la dernière fois, parce que... Quand tu dis trop vite les choses, si c'est pas encore signé, et puis c'est encore une déception. Et là, cette fois-ci, c'est signé. Donc, je peux effectivement annoncer que je travaille avec Rick Allison. Ouais. C'est lui qui produit et qui fait l'entièreté de mon prochain album. On a terminé 15 chansons et c'est en mastering au Canada en ce moment. Donc, j'attends impatiemment les chansons terminées. Ouais. Voilà. Et ça sortirait quand? Et alors, on prévoit peut-être déjà un titre pour cet été. Mm-hmm. Et puis la rentrée, normalement tout devrait s'enchaîner. Après, il y a des stratégies, c'est tout un travail que moi je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Mm-hmm. Mais je pense qu'il faut laisser ça aux gens qui maîtrisent totalement l'industrie du disque actuellement, qui n'est plus du tout ce que c'était il y a quelques années. C'était prévu, rappelle-moi, parce que la première fois où je t'avais rencontré, c'était dans les studios Gimmick. Exactement. Et ouais, et alors, il s'est passé quelque chose avec Christian Vier. Tu sais, on a enregistré 4 titres avec Christian Vier et Thierry Geoffroy. Ouais. Et après, malheureusement, j'ai eu le décès de ma maman, donc j'ai dû mettre de côté l'enregistrement de l'album. Ouais. Et il fallait que je retrouve cette énergie pour pouvoir continuer. Je comprends. Dur. Ouais, exactement. Donc pendant, je veux dire, un an, j'ai mis tout ça de côté un petit peu. Et puis là est venue la rencontre avec Rick, donc ça a un petit peu chamboulé le... D'accord, mais ces titres existent encore alors? Ces titres existent, et justement il y a 4 de ces titres qui seront sur l'album. Ah, parce que, pour la petite information, je ne sais pas si vous savez qui est Christian Vier quand même. Bah non, mais tu vas nous le dire. Il y a trop de gens qui t'aiment. Voilà, c'est l'auteur de « Il y a trop de gens qui t'aiment ». Voilà, entre autres, il a fait d'autres succès. Bah, hein, il a fait aussi Natacha Saint-Pierre. Ouais, Il a travaillé avec d'autres artistes, qui. Évidemment. C'est pas n'importe qui. Et c'est surtout Thierry Geoffroy qui avait travaillé avec Céline Dion à l'époque. Avait fait, je pense, Mon ami m'a quitté ou un truc comme ça. Quoi. D'accord. Voilà, donc là, ça continue. On a un superbe album. Et, les surprises, elles arrivent. Hâte, ouais. Alors, est-ce que tu vas nous faire un petit teaser, alors justement, le 25 dimanche? Le dimanche 25. Mais non, justement, donc, comme je te dis, ils sont en plein mixage de l'album. Bah oui, mais peut-être en plein mastering. Donc, tant que moi j'ai pas les bandes, je peux pas les interpréter, évidemment. Ah bah oui, d'accord. Ouais. Mais tu peux nous donner un peu le style de l'album, quelle couleur il aura alors? Ce sera quel style? Bah, style Rick Allison. Donc, Rick Allison a travaillé avec Chimène Badi, il a travaillé avec Lara Fabian. Johnny Hallyday, il a fait les 6 premiers albums de Lara Fabian. Ah, bien. Il a fait. Ouais, d'accord, donc ça promet. Des tas de Patrick Fiori, Patrick Bruel, voilà, c'est toute cette lignée. D'accord. Et bien écoute, on a hâte. Donc chanson à texte, chanson française, avec en plus en exclusivité mon chant en italien. Et ça, j'en suis très, très honoré et très parce que fier de pouvoir. Comme on ne peut pas le savoir, Fabrizio Zeva est d'origine italienne. Je suis italien. Je pensais que c'était suédois à la base, mais non. Non, mais il faut quand même préciser que Rick est la première personne depuis le temps que je chante qui me propose de chanter en italien. Donc, tu as sauté sur l'occasion, effectivement. Bah, c'est fabuleux. D'accord. Et donc, toi, tu te positionnes en tant qu'auteur. Non, je suis juste interprète. Interprète. Donc, auteur, compositeur, donc c'est Rick. C'est Rick, et puis il y a des tas de personnes. Écoute-moi, les prénoms, c'est horrible. Ouais. Mais je sais qu'il y a Allez, celui qui a écrit l'histoire, merde, j'ai oublié son prénom. Ah oui, le Marshall, enfin celui qui a écrit pour le Marshall. Alors là, je ne sais plus. Esposito, mais... David Esposito. Ah, d'accord, ouais. D'accord. Donc il a fait une chanson sur mon album. Il y a un auteur qui a fait L'envie d'aimer, qui a réussi à écrire une chanson sur mon album. Bien. Ouais, il y a plein. Il y a une reprise de Sting, il y a une reprise de. Ah ouais. De, ça donne envie. Bryan Adams, il y a. Et non, il y a vraiment des très belles choses et belles surprises. Et pas de Pierre Perret par contre. Jamais. C'est lequel de Sting et Bryan Adams? C'est Every Breath You Take. Ah oui. Et l'autre, c'est Really, Really World. Enfin, écoute. If You Really Want a Woman. Exactement, mais alors la petite surprise quand même, c'est que c'est réadapté en italien, donc je vais les chanter en italien. Ouais. Wow. Et c'est là où est toute la surprise et toute la. Allez, la magie. Toute la magie de la chanson, elle reprend une autre couleur et t'as presque l'impression qu'elle a d'abord été faite en italien, même tellement c'est. Elle était adaptée ou alors traduite? Elle était adaptée. D'accord. C'était la BO du film Don Juan de Marco avec Johnny Depp. Exactement. Oh, ça me parle un peu moins ce film, mais. C'était dans les années 90. D'accord. Ouais, moi je pensais que c'était Zorro. Non, du tout. D'accord. C'était Don Juan de Marco. Ok. Ah bah si tu le dis, Sherlock, attention, c'est Monsieur Cinéma ici. C'est Monsieur Cinéma. Voilà, il y a plein de surprises et je suis très très content. Et puis il y a le 25 surtout qui arrive. Eh bah oui, alors justement, le 25, ça vous donnera déjà un avant-goût de ce que c'est faire Fabrizio. Alors évidemment, il est connu sur la région, mais pour les gens qui nous écoutent d'un peu plus loin, venez donc à La Grange. Est-ce qu'on a l'adresse exacte de La Grange à Mouron? C'est rue de la Vellerie. Rue, bah décidément, ouais. Alors, c'est à côté de la prairie, c'est rue de la Vellerie, et ça s'appelle La Grange. Mais c'est une belle salle, attention, hein, oui. C'est une très très belle salle. Et les conditions, c'est les conditions d'entrée. Alors, c'est entrée gratuite. Entrée gratuite, voilà. D'accord. Et donc, à partir de midi. À partir de midi, d'accord. Et Fabrizio chantera normalement vers 14h30, 15h, et ça sera jusqu'à 19h. Bien. D'accord. Wow, écoute, c'est noté. Vous restez avec nous de toute façon. Ou encore quelques minutes, j'espère. Allez. Alors, on va se faire une petite coupure musicale. Vous allez assister quand même au Rétro Ciné 80 de notre ami Sherlock. Yes. Ouais, j'espère que vous. Ah, vous rappelez? Vous avez déjà assisté, non? Au Rétro Ciné 80. Oui. Ouais, si. Hein. Bon, on va faire une petite roulée de song. Ah bah oui, tiens. Allez. Je vais faire tourner les titres et vous allez me dire stop. Alors explique pourquoi tu les fais tourner, parce que visuellement, les gars qui nous écoutent, alors je fais tourner les titres, alors il prend le CD, il fait... Non, en fait... T'es dégueulasse, Sherlock, c'est le seul mec à faire tourner une roulette sur un écran plat. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment il fait. Hein. C'est pas faux. Non, en fait, j'ai tous les titres que je possède qui sont là dans la tablette, et donc tout est en liste, je vais donc les faire défiler. C'est mieux que les faire tourner quand même. Ouais, ouais. Et vous allez me dire stop, je vais m'arrêter sur la première chanson qui va passer. Allez, on commence par Véro. Stop. Gazebo, I Like Chopin. Ah, c'est beau. J'adore en plus. Ouais. Un peu funk. Hein. Ouais. Funk disco. Ouais. Fabrizio, à toi de jouer. Stop. Attends, je ne l'ai pas fait tourner. Hein. Vas-y. Défilé. Quand tu veux. Stop. Indochine, troisième sexe. Ah, c'est là non plus. Un autre style. Comme ça, vas-y. Ben, c'est une très belle chanson pour toi, Fabrizio. Ouais. Vraiment. Ah ouais, je déteste Indochine, moi. Ouais, bah écoute, il y a deux camps. Hein. Mais au moins, ouais. Tout le monde a une opinion dessus. Ah bah oui, carrément. Et on les aime ou qu'on les déteste, Indochine, tout le monde a une opinion qui va passer bientôt dessus. Dans la région, non? Ou je ne m'abuse? Ah, je sais pas. Dans la région, c'est plus. Non, je pense que si, un petit non. Stade Morois bientôt, là, non? Charles Aznavour disait un chanteur qu'on déteste et qui a de la notoriété. Ah bah bien sûr, il vaut mieux parler de quelqu'un en mal que de pas en parler du tout. Voilà, c'est ça. C'est sa puissance politique. Bravo, voilà. Tu as bien traduit. Bah oui, c'est ça qu'il disait. Allez, on y va, puis on se retrouve juste après cette coupure musicale. Allez, c'est parti.

j'adore. Je voudrais une bouteille d'eau. C'est donc... Montons tous dans la DeLorean. Il y a des climatisés ou moi? Parce que je monte même pas dedans. Non, bah, elle est de 85 en même temps. Alors, là. Et repartons justement vers l'année 1985. Ouais. Belle année. Pourquoi t'es obligé de faire 85? Bah, 1985. Doc. Pas comme les Doc. Comme Doc, hein, il parle comme ça, il le fait pas trop mal, moi je trouve. Il est mort, Doc, non? Il est mort, l'acteur, non? Non, pas du tout. Non, il est pas mort. Faudrait l'inviter ici, mourrez vite. Mais il doit être tout jeune, hein, entre nous. C'est impossible. Ah, comment il s'appelait déjà? Christopher Lloyd. Ah oui. C'est lui également qui a fait l'oncle fétide dans la famille Adams, c'est les valeurs de la famille Adams. Ouais, et pas la mouillette aussi. Hein? Non, pas la trempouille. Non, pas la... Ah oui, si, la mouillette. La mouillette. La mouillette, c'est le surnom de Nissa. Si, c'est ça, je crois. Non, pas la mouillette. Je ne dirai rien. Il fait le méchant dans Roger Rabbit. Qui veut la peau de Roger Rabbit, ouais. Ouais, absolument. La trempette. La trempette, ouais, c'est ça, la mouillette. La mouillette et la trempouille, tu m'as dit. C'était un mélange. C'était un mix, ouais. Voilà. Et les moupettes. Tu l'as fait ta chronique. Allez, vas-y, vas-y, Gonzo. Donc, oh, super. Super, donc oui, effectivement, donc le ciné rétro 80, j'ai regardé un film cette semaine des années 80, et plus précisément du 27 novembre 1985. À mercredi? Je sais pas, j'ai pas point regardé. D'interrogation. Merci Piggy. Donc, je vais essayer de vous le faire deviner en vous passant quelques extraits sonores, soit des extraits du film, soit des musiques tirées du film. Ouais. Alors, il faut savoir que le film, déjà, a fait 1 755 081 entrées au box-office français. Ah oui, quand même. Ah, ouais. Quand même. Donc, ça va. Ouais. C'est pas mal. Bon, à l'époque, c'est pas mal. La musique est de Gabriel Yared. C'est pas mal. Un film espagnol? Pas mal. Pas du tout. D'accord. Ah non, c'est pas Gabriel Yared. Ah. C'est Gabriel Yared. D'accord. Gabriel. J'ai brûlé l'amour en esprit. Voilà. On voit les connaisseurs. Hein. Alors, donc, est-ce que ça vous donne un petit indice pour l'instant? Non, pas vraiment. Rien du tout, comme d'habitude. Ouais. C'est pour ça que je vais vous passer la première, le premier extrait. Écoutez bien, c'est une musique. C'est une musique classique, évidemment. Oui, alors c'est de Jean-Sébastien Bach. Enfin, c'est la cantate numéro 147. Non, mais je sais que c'est une musique classique. Il va pas souvent des mariages. Mais si, je sais que c'est une musique classique, mais. Et le titre, c'est Que ma joie demeure. D'accord. C'est un film d'époque? Ça se passe en 1965. Ah ouais, d'accord. Ouh, d'accord. Mais ça pourrait très bien se passer en 1985. D'accord. C'est, enfin, l'époque importe peu en fait dans le film. Je peux essayer un indice? Oui. Ça porte sur la maladie d'une femme? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Alors, je vais peut-être vous passer je vais vous donner quelques noms d'acteurs. Il y a Louis Leterrier. Ouais. Alors, c'est Rabbit. C'est Roger Rabbit. Pas du tout. Il y a Fabien Ramblier. Ouais, c'est du français alors, c'est un film français. Oui. Ah oui, forcément. Il y a Jean-Yves Châtelet, Agnès Blanchot, Jean-Paul Comard, Philippe Auguste, Jean Rougerie, Éric Pro, Jean-Claude Leguet. Il n'y a pas une grande actrice par contre française que tu ne dis pas? Pas du tout. Pour la cacher, d'accord. Non, c'est non, pas non. Non plus ça. C'est okay, un vas-y. Grand acteur français. Ah non, mais je cherche que je cache là. Je vais vous passer d'ailleurs un extrait où on l'entend. Ah, tu caches un grand acteur français. Oui. Ah oui, alors est-ce que c'est dans la veine de Belmondo l'acteur? Ah, pas du tout. Non. Pas du tout. Ah non, pas du tout. D'accord. Écoutez bien, je pense que vous allez le reconnaître. C'est marrant, t'as entendu? C'est un grand, je te regarde, je fais, bah non, mais comment t'as le film? Non, je sais pas pourquoi je dis non. Mais tu me demandes pas à qui je pense? Non, mais vas-y, dis. Alain Delon. Pas du tout. D'accord. C'est pas ça. Ni de loin. Enfin, peut-être plus de loin que de long. D'accord. Écoutez bien le deuxième extrait, vous allez peut-être reconnaître par rapport à sa voix. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Moi qui ai toujours cru en toi. Qui vais encore à la messe 3 fois par an, qui n'ai jamais fait de mal à personne. Mais avoue que tu t'es trompé, que c'est pas moi que tu visais. Hein? L'erreur est humaine. Tu réponds pas. T'es pas fier de ce que t'as fait. Faut dire que t'as rien oublié. Un aumônier abruti, un intendant véreux, une salope, une pute, un pédé, et toute une marmaille de petits merdeux. Et moi là-dedans, qu'est-ce que je suis? Un incapable. Mais tu t'en fous, t'entends rien. T'es pas là. Si ça se trouve, t'existes même pas. Ah, mais qu'est-ce que... Ah mon Dieu, tu m'as répondu. Je comprends maintenant ce que tu attends de moi. Tu veux me mettre à l'épreuve, c'est ça? Tu veux me montrer le monde tel qu'il est, pour que je l'aide, pour que je le sauve peut-être? Seigneur, si telle est ta volonté, éclaire-moi. Alors moi j'ai un indice. Oui. Sim. Sim? Ouais, est-ce que Sim a joué dedans? Pas du tout. Et d'accord. La carte? Durant une séance photo sadomaso. Ah non, pas du tout. Non. Ah d'accord. Et Jean Lacarte? De quoi, Jean Lacarte? Jean Lacarte. Non. Jean Lacarte Sim, non. c'est pas un film policier. Pas du tout. Ah d'accord. Il vend la carte aussi. Ah ouais. Je suis content de moi parce que là je pensais que tu aurais... on est d'accord que il y a un point commun avec Pino Simple Flic. Oui, évidemment. Oui, ça oui. Effectivement. Ah ouais, mais donc j'ai lequel? Effectivement. Donc je vais vous passer un autre extrait. C'est une musique qu'on entend dans le film. Écoutez bien. Alors, il date de 1985. Alors oui, le film date de 1985. Il y a pas un grand comique dedans. Un grand comique. Un petit, ouais, mais un grand. Ouais, il est assez petit, je pense. Dégarni. Non, mais ouais. Un grand comique, c'est-à-dire qui s'est fait connaître en étant un grand humoriste. Humoriste, non. Non. Ah, qui dure. Non, j'allais dire, parce que je pense à l'acteur, mais un indice sans trahir. Est-ce que ça se passe pendant la guerre? Non, ça c'est pas celui-là. 65, ouais, non, mais 65, j'en ai deux. Ah oui, mais. Tu m'as dit 85. Alors le film est sorti en 85, ouais. Mais il parle de la période de l'été 65. Je t'embrouille. Il faut un pensionnat, non? Pas du tout, pas un pensionnat, non. Ouais, ou une colo. Ouais, c'est plus dans ce style-là. Ah, c'est oui. Plus dans le style. Est-ce que ça a un rapport avec des sacs à merde? Et si tu redonnes un indice, tu vas le faire dans oui. Le micro. Ça a un rapport avec des sacs à merde? Oui. Enfin, pas bah des oui, sacs à merde, si, mais des papiers emballés. Ouais, la merde emballée dans du papier. Oui, on en voit. D'accord. Effectivement. Ok. Alors, je vais vous repasser un autre extrait du film. Écoutez bien, parce que là, je suis sûr que vous allez reconnaître sa voix. C'est l'acteur principal. Cachez-vous, cachez-vous dans le car. Mais vous êtes fous, vous auriez pu blesser quelqu'un. Bande de petits enculés. Je vais vous apprendre, moi, à arracher les portails. Oh non, c'est votre boîte à lettres. Et le poulet qu'on m'avait piqué, qui c'est qui va le payer? C'est vous, chef? Oui, je suis absolument navré, je n'ai rien vu. C'est laquelle, votre tante? La bleue, là. Pourquoi? On se replie. Non, arrêtez. Je vais vous dédommager. Ça vous dérange pas, si on campe là? Vous allez me foutre le camp, ouais! Oui, d'accord. C'est de bonne guerre. Ah oui, évidemment. Ouais. Alors. Évidemment. Alors, le l'acteur principal, de toute façon, on avait reconnu sa voix. Hein, ah oui, oui. Alors, donc, tu peux. On peut dire qu'il porte le béret aussi. Hein, Oui, bien sûr. Bah, je vais laisser à Onissa le plaisir de donner la réponse. Je ne pas, moi. Bon, bah, Flip 4. Hein. Non, je suis pas sûr du titre, mais je vois tout à fait. Non, mais l'acteur principal. Scoot toujours. Scoot toujours. Scoot toujours. Je vois pas voilà. Dit de bêtises. Effectivement, alors. Scoot toujours. Et donc, il a marché aussi bien que ça. Ah ouais, il a marché aussi bien que ça. Et la musique du film, c'était celle-ci. Donc là, ça c'est la musique de Gabriel Ayared. Eh ben, il n'en a pas fait beaucoup. Moi, alors, donc ça se passe effectivement pendant l'été 65. Jean-Baptiste Foucret, qui est joué par Gérard Jugnot. Gérard Jugnot, effectivement. Donc, doit remplacer un impitoyable chef scout. Les scouts l'appellent bien bien fou. Pour Bien Fou. C'est bien bien fou. D'accord. Donc, moniteur étourdi et sans grande autorité, il prend en charge un teigneux groupe de jeunes garnements qui ne pensent alors qu'à lui faire vivre un enfer. Bien trop permissif, Jean-Baptiste perd très vite le contrôle du camp. Mais lorsqu'un des enfants se fait mordre par une vipère, la réactivité de leur chef leur fait tous changer radicalement d'avis. Voilà. Bravo. Voilà un petit peu pour le film. Je vais vous donner quelques petites anecdotes. Donc c'est le second long métrage de Gérard Jugnot qu'il réalise seul. Le premier était donc Pino, simple flic. Effectivement. Oui. Donc l'un des jeunes scouts qui s'appelle Jackie dans le film est interprété par Fabien Ramblier, qui sera plus tard Jérôme, le petit ami de Justine dans Premier Baiser. Ouh, avec ses lunettes alors? Non, pas du tout. Jérôme, le petit ami de Justine. Justine, l'actrice principale du premier baiser. Donc, il devient par la suite réalisateur et maintenant, il est spécialiste de la 3D relief. D'accord, ok. Comme quoi, on change complètement d'orientation, hein, tout en restant quand même dans le cinéma. Bah, c'est peut-être parce que ça marchait pas, mais ça marchait pas pour lui. Baiser, quoi. Ça a marché, mais c'était forcément un site comme français. Alors, c'est également la première apparition en tant qu'acteur de Louis Leterrier, qui deviendra plus tard le réalisateur du Transporteur, du Choc des Titans ou encore d'Insaisissable, avec tous les magiciens là. Oui, d'accord. Voilà, il sera également acteur dans Valérian et la Cité des Mille Planètes qui sortira le 26 juillet de cette année. D'accord. Bah, tu vas nous en parler peut-être alors tout à l'heure. Non, pas encore, non, le 26 juillet, c'est pas encore maintenant. Nous sommes au mois de juin, alors, évidemment. on connaît plus Philippe Auguste pour sa voix. En effet, c'est lui qui prête sa voix à Patrick Duffy. Alias Bobby Ewing dans Dallas, ainsi qu'à Eric Estrada et dans l'homme Chips, de l'Atlantide. L'homme de l'Atlantide, s'il vous plaît. Peut-être. Alors, il n'a pas été la voix de l'homme de l'Atlantide. Mais Patrick Duffy était l'homme de l'Atlantide. Oui, d'accord. Le référence. Mais c'est pas de savoir si Patrick Duffy était l'homme de l'Atlantide. Suis quand même. Donc, il est également la voix de Capitaine Flamme. Ah ouais, pas étonnant. De l'Atlantide. Et alors, Jean Rougerie, qui joue le rôle de Monsieur de Guillemin, le père du prêtre donc dans l'histoire, est connu également pour son rôle dans la série de la fin des années 80, Vivement Lundi. Ah oui, c'est le grand monsieur à moustache, c'est le patron en fait de la boîte de Vivement Lundi. Il a également joué alors avec Sabine Paturel dans le film Prends ton passe-montagne, on va à la plage en 83. Avec un titre pareil, oui. 7 millions de non-rentrés. Ouais, c'est clair. Je crois qu'elle nous en avait parlé à l'époque, Sabine Paturel. Oui, elle avait dit n'en parlait pas. Elle était pas très fière, quoi. Elle a dit non, j'ai pas fait. Je pensais d'ailleurs que c'était un Max Pécasse, mais non. C'est rigolo, elle aurait dû dire vous pouvez en parler, de toute façon personne connaît. Bah, c'était aussi l'époque où il y avait des titres un peu bizarres. Oui, mais c'est ça, mais c'est pour ça que je pensais que c'était un Max Pécasse, parce que dans le même style, il y avait On se détend et on boifferait un Saint-Tropez, ou des choses comme avec Luc Hamet. Donc, c'était un petit peu apparemment dans la même veine. Ouais, carrément. Des films un petit peu légers, on va dire. Bon, alors Scoot Toujours, vous l'avez vu ? Oui. Oui, bah, Véro, tu l'as vu, évidemment. Oui. Tu l'as vu ? Oui. T'en gardes de bons souvenirs ? En plus, j'aime bien l'acteur. Donc, Génial ? Ouais. D'accord. J'adore. Bah, je le préfère maintenant, quoi. Enfin, à l'époque, je le préfère en tant que personnage sérieux que quand. Ah, moi, perso, tant que... le Père Noël est une ordure si je ne l'ai pas vu 20 fois. Ah oui. D'accord. Mais moi, ce qui m'énervait chez Junio, c'était ses hurlements et ses cris à chaque fois. Ouais. Qui criait un cri aigu dans ses rôles comiques, ça me plaît moins bien, quoi. Donc, t'aimes pas Papy fait la résistance ? Non, pas trop, non. Dans le rôle. Enfin, si, j'aime le film. Le film, j'aime beaucoup. Mais non, mais dans le rôle qui tient, je parle. Non, pas du tout. Super Dupont, c'est ça. Hein. Non. Alors, c'est pas Super non, Dupont. Non, c'est pas lui. Mais non, il joue le Ramirez, qui travaille pour le Gestapo. Ah, c'est possible, ouais. Ah non, pas du tout. Non, ouais, c'est clair. Je trouvais qu'il était très, très criant comme personnage quand il fait de l'humour. Canon, tu l'as vu ? Oui, j'ai vu le film. Non, tu parlais de Junio. Je crois que c'est un brillant acteur formidable quand il est entouré des autres pour lui donner la réplique. Il n'a jamais été si bon que quand il y avait le Splendide autour. Moi, je ne l'ai pas trouvé en profondeur ailleurs. Alors, par contre, pas dans Les Bronzés 3. Hein. Moi, je l'ai... Je suis d'accord, là aussi. Pour moi, Les Bronzés 3, c'est encore un remake d'essayer de remettre une bande splendide comme Les Inconnus que tu essaieras de faire, qui étaient très bons, qui étaient magnifiques, qui sont planétaires, mais à un moment, il faut s'arrêter. Oui, c'est plus le même humour, c'est pas la bonne époque, c'est fini. Ils ont essayé de remettre... On parlait vite fait, hein, Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, la dernière fois. Ouais. Je crois que c'est ça, on essaye de remettre au goût du jour quelque chose qui a fonctionné. Tous les fans essayent d'y adhérer et finalement, ça marche pas parce que... Ça marche pas. Ils sont talentueux, Eddie Mitchell, moi, il l'écoutait. Dutron, c'est pas mon truc, mais pourquoi pas. Il serait là, tu dis un concert à Moucron, j'irai l'écouter. Hallyday, évidemment. Je n'ai jamais été voir. Il paraît qu'il était très fatigué au Stade Morois. Je vous donne la confirmation parce que le lendemain de l'émission, on en avait parlé. J'ai une amie qui est allée, puisque ce matin lui avait payé la place, était relativement déçue. Elle a confirmé effectivement la salle qui était à moitié pleine et des prestations avec des chanteurs bien fatigués, quoi. Ouais, c'est ça. À part Eddie Mitchell, apparemment, il a ouais, payé de, ouais, de sa présence. Et Dutron avec le froc à la limite sous les aisselles, quoi. Il marche comme un petit vieux, c'est à 10. Et... Bah, en même temps, ils ont l'âge de leurs artères. Oui, tout à fait. Ils mais ont bon, tous entre 70 et 73 ans, je crois. Mon père a 5 jours près le même âge que Johnny Hallyday. On en parlait parfois. Mon père en pleine forme, mais bon, bah, il a l'âge qu'il a. Et c'est vrai que bon, bah, derrière, tu vois, Johnny Hallyday, lui, il est sous les projecteurs. Ouais, et, bon, bah, maintenant, on le juge. On dit, ouais, mais tu vois, regarde, il s'est un peu arrondi. Il commence à vieillir. Mais t'as vu ce qu'il fait comme carrière. Ah, bien sûr, j'ai pas le jus qu'il a. J'irai jamais le voir en concert et tout ça. Et pourtant, il viendrait dire, je fais mes adieux Dieu dans un concert intimiste et tout, c'est peut-être la première fois que Canon, en tant que Dom FSN, là, irait voir Johnny Hallyday un peu par respect. Ouais, ouais, c'est ouais, un, d'accord, un d'accord. Des derniers bastions. Moi, il aime beaucoup Mercon. Ouais, ouais, ah, ouais. Je, suis pas, je suis allé le voir. Je suis pas fan du tout. Hein. Quand j'ai passé à Mauroy, il y a quoi, un an et demi là. Ouais. Je suis contente de l'avoir vu sur scène. Ouais, il y a sûr. Hein. Non, je suis d'accord, encore, il a sûr. Non, et puis il était encore bien. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Il y a des gens, Aznavour, je n'irai pas voir, on me dit aujourd'hui, comme Sardou, je regrette. Voilà, enfin, c'est des gens, je pense, qui ont marqué, ça n'a rien à voir, et pourtant, c'est les mêmes. Ils ont fait des plans de carrière formidables, et on ne peut pas dire que c'est grâce à, qu'à la presse, où ils se sont fait aussi vilipender à droite, à gauche, la drogue, la machin, ils ont disparu, ils se sont repris des maisons de 10, ça a évolué. Ils sont toujours là, avec des textes à l'idée formidable et parfois sirupeux, des albums qui lui correspondent pas, mais globalement, quand tu vois son œuvre, pourtant il a rien écrit, ou prou, peut-être une ou deux, je très ne sais peu, pas. Très peu. Je veux dire, pour moi, bon, bah, c'est pas un interprète parce qu'il a réussi à vraiment. On lui a écrit des chansons pour lui parfois, et il a réussi à se les accaparer. Ah, que, parce que, ah, que coucou, oui, mais le ah, que coucou, c'est parce qu'il est pas l'air d'être con, lui, il a tenu 50 ans. Oui, le non, ah, que coucou. Mais plus que ça, ouais. Plus que ça. Ouais, plus bah, que ça, même, je pense. Ouais, un peu plus, ouais, puisqu'il a commencé à 18 ans, je crois. Ouais, donc, soit 55. Ans quoi. Ouais. La jeunisse, quand elle est née. Mm-hmm. C'est ça. C'est ouais, ça, c'est moi ça. J'assume, hein. Ah non, t'avais 6 ans. Bon, bah allez, on ferme cette parenthèse puisqu'on va revenir d'ici quelques instants sur l'association. Donc, un rêve, une étoile et tout est permis puisque le tout 25. C'est possible. Tout est possible, tout est permis. Oui. C'est vendredi, tout est permis. et tout est possible, bien évidemment, puisque nous sommes donc avec Fabrizio Zeva qui va se produire donc ce dimanche-ci, donc à la Grange, le grand Fabrizio Zeva qui nous est arrivé en costard cravate, faut le voir comme il est tout beau. Vous verrez les photos sur Facebook et qui se produira donc pour l'association donc un rêve, une étoile et tout est possible. Voilà. Donc ce dimanche-ci, donc à partir de midi, donc c'est un apéro, en plus c'est une entrée gratuite, profitez-en. Et après vous aurez l'occasion donc de évidemment de voir. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Et pourquoi tu me fais un signe, Fabrizio? Tu me fais un signe là? Si, t'étais en train de faire un signe. Non, je disais à Adam, arrête. Ah, d'accord, non. D'accord. J'étais en train de dire à Fabrizio qu'une de nos auditrices prenait de mes nouvelles et demandait comment allait mes bourses. D'accord, oui, voilà. Ok. Oui. Parce que bon, j'ai une information des bourses de Oui, bah, alors juste pour dire qu'il y a Marjorie de Marie. Ah, Marjorie. Cool. En nous disant hello les amis, comment je suis trop happy de vous écrire ce petit mot de chez moi et plus de l'hôpital. Ah, cool. J'espère que vous allez bien. Gros bisous aux topines présentes auprès de vous ce soir et mon top poteau Fabrizio Zeva, je pense fort. Gros bisous, bisous ma chérie. Topine. Bisous. Et nous on pue le pâté. Bisous. On pue le pâté, hein, je voudrais rien dire. Ouais, bon, c'est pas grave. Hein. Par contre, Marjo, j'ai un mot pour toi. J'ai bien reçu ton message il y a 2 heures que tu m'as envoyé il y a 5 jours. Parce qu'en fait, c'est plus le bon numéro de téléphone, je t'expliquerai. Voilà, mais je t'ai pas zappé. Hein. Ouais, vas-y, allez-y, hein, parlez-vous. Ouais. Non, mais petite parenthèse. Une petite avance à faire, il y a des meubles à vendre ou je sais pas. Oui, alors. Ouais. Excuse-moi, chérie, est-ce que tu pourrais aller chercher non. Le pain on a Flip 4 à donner, par contre. À donner à qui? Je sais pas, il y a personne qui a besoin de moi. Non, il y a petite parenthèse, il y avait Alistair qui voulait revenir sur l'histoire du kilt, et c'est en ma faveur, elle confirme, c'est vous les lâcheurs. Ah bah non, moi j'ai toujours été d'accord. Elle a suivi l'affaire, non. J'ai toujours été d'accord pour porter un kilt. Vous étiez pas prêt. Si, sauf qu'il faut qu'on trouve un kilt à notre taille. Ouais, Eval, on est des lâcheurs, le jour où on le fait, tu te pointes en kilt aussi. Ouais, c'est Eval, le jour où on est des lâcheurs, le jour où tu fais ce qu'on se connaît bien, tu vas te pointer ici, tu vas venir en kilt aussi. Et ce jour-là, mets une culotte. Ah non, on met pas de culotte. Bon, allez, on va continuer en musique, une petite coupure musicale, de petits titres, dont tu as le secret. Ouais, bah alors... Donc avec The Clash et Rock de Casbah. Ah bah ouais. Ah ça c'est bien. Et The Police avec Every Breath You Take. Ah bah tiens. Allez, c'est parti. C'est parti. Every Take You Breath. Every Breath You Take. J'étais pas loin. C'est une chanson que vous allez retrouver, d'ailleurs, il nous l'a dit. Hein, ouais. C'est pas un scoop, il nous l'a dit. C'est pas un scoop, non. Dimanche à partir de midi, vous aurez l'occasion donc, d'aller voir Fabrizio Zeva en concert dans le cadre donc, de l'association donc, Un Rêve, Une Étoile et Tout est Possible. Yeah. Ouais, donc, et on rappelle que nous sommes évidemment donc, avec la présidente, Véro, qui est avec nous. Est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues, à part dimanche ou dans les bacs? Ben oui, ce que je voudrais dire, c'est que ben, le 3 juin de cette année, on a quand même gagné notre pari, donc on est très fiers de nous. Parce c'était qu'on quoi le pari alors? On a réussi à faire partir des enfants à Paradise. Ah ouais. Et ici, le 9 août, on fait partir 40 enfants à Disneyland Paris. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Et je remercie pour ça un sponsor de la SBL, Méline, qui sont les autocars Leader Tourisme, qui nous offre gracieusement l'autocar. Waouh, sympa. Pour aller à Paris. Donc un autocar de 55 places gratuit pour toute la journée à Paris. Ah ouais. La journée est totalement payée par l'association. Par, voilà. Ouais. Et donc ils vont passer une journée chouette, voilà, pour des enfants de Moucron, des enfants défavorisés et malades. Comme ça, notre pari qu'on avait, on a mis un an pour le faire. Voilà, on avait prévu l'année passée, c'était pas fait. On s'est battu et on est arrivé, donc on peut être fiers de nous, on est fiers de nous. Eh ben, il y a de quoi. Ouais, oui. Un petit mot aussi, c'est une association qui est très humble parce qu'elle oublie aussi dans leur promotion, parce qu'ils adorent la promotion et ne la font pas tout le temps. C'est qu'ils ont fait un hymne, il y a une chanson qui a été écrite et qui va bientôt être mise. C'est vrai, oui, je me rappelle, à l'honneur, voilà, enregistrée avec monsieur Fabrizio Zeva, avec Marjorie qu'on entendait tout à l'heure. Rappelle-moi les autres. Alors, on va laisser un petit peu de surprise, mais il y aura Marjorie, il y a, oui, Fabrizio, c'est sûr. Il y a Alexis Confortorio qui est le parrain de notre association. Ouais. Et monsieur Dom FSFM. FSN. FSN, c'est la chaleur. Donc, les gens. C'est pas facile à dire. Dom SM. C'est moi-même en tant que. Et d'autres chanteurs qui vont. Voilà, on laisse un peu la surprise. Et alors, et quand est-ce que justement ça va sortir? On enregistre en septembre. Ouais. On laisse passer les fêtes de la musique et tout ça. Oui. Et dès que c'est enregistré, après on met sous CD. Donc, sous pression et puis avant la fin de l'année. Le gars qui est à ma gauche et qui chante de temps en temps, je vais lui poser la question parce que vous savez que moi je suis tout sauf consensuel. Mais quand j'ai reçu la bande musicale, je me suis dit, on en a parlé, je dis bon, je vais entendre ça, ça va être quoi. Alors, ça sonne un peu comme les années 80, tu me dis si t'es d'accord. Et ça m'a fait penser un petit peu, tu me dis si t'es d'accord ou pas, mais dans l'esprit Coluche, en fait, ce qui avait été fait pour les Restos du Cœur, il y a un gimmick, c'est vraiment entraînant. Moi, je l'ai entendu la première fois, on m'a demandé d'y participer, on savait pas encore qui ferait quoi. Et j'ai dit, ça le fait parce qu'il y a vraiment quelque chose, ça cherche pas à être moderne, ça cherche pas à être au top, ni loin de là d'être ringard ou quoi que ce soit. C'est que c'est vraiment fédérateur. Moi, j'ai trouvé que cette chanson, peut-être aussi différence d'âge, on n'a pas le même. Moi, je la trouve moderne quand même. Voilà. Il y a une rythmique. Oui, mais c'est pour ça, mais très bien, justement, je crois que c'est intergénérationnel. C'est un très bon auteur, en tout cas. Il écrit très bien. Très beau texte. Et Salucci. D'accord. Qui est pas un petit monsieur. Et Frédéric Dampierre pour les paroles. C'est une belle chanson. En fait, on a demandé, on voulait absolument quelque chose qui soit pas triste, même si la cause qu'on défend n'est pas toujours gay. Ouais, ouais. Quelque chose qui soit justement qu'on retient, un refrain, quelque chose qui se retient bien. Et ils ont totalement les deux, ils ont complètement compris ce qu'on voulait. Et toutes les personnes jusqu'à maintenant à qui on l'a fait écouter, ils ont tous dit c'est bien. On a un titre évidemment. C'est Un Rêve, Une Étoile. Un Rêve, Une Étoile. Voilà. Ah ok. Le texte est très bien écrit parce qu'on se dit bon, associatif, Un Rêve, Une Étoile, ok. Mm. C'est exactement le message, mais c'est bien écrit. Tu sais, il y a bien une association qui s'appelait Les Enfoirés. Donc, oui, tout à fait. Non, mais... on peut avoir aussi un titre Un Rêve, Une Étoile. Non, mais je veux dire, t'as des gens qui n'arrivent pas après dans le texte à écrire Un Rêve, Une Étoile est une association. Tu vois ce que je veux dire? Non, ça porte tout le message à travers les enfants, la structure c'est bien foutu, il y a un gimmick qui tourne qui est vraiment pas mal. Je l'ai écouté la première fois dans ma voiture en revenant d'ici, je me dis ok, je te le passe vite fait sans me moquer, mais je l'ai tourné 2-3 fois en boucle, je dis ça sonne quoi, en plus c'était une maquette, il y a des synthés, je lui avais écrit en disant t'as pris un Jupiter, Jean-Michel Jarre, il me dit c'est une démo, et je dis ça sonne déjà pas mal, la basse c'était pas boum, ça percutait pas, et je me dis c'est pas mal, franchement on va vraiment s'éclater. Et puis si je pouvais juste rajouter alors un dernier mot. Non, bien sûr. C'est juste voilà pour le 25. Non, parce que ça il faut quand même le souligner. Alors là je veux tirer un énorme coup de chapeau à tous les commerçants de Moucron qui parce que pour cet apéritif, on a rien, mais quand je dis rien, c'est rien dû débourser. C'est-à-dire qu'on nous a offert la bière. Il y a des commerçants qui nous... Donc je vais citer les commerçants, enfin, quelques commerçants, parce que je ne peux pas tous les citer. Oui, ça va être un peu long, mais... Voilà, mais entre autres, le Petit Château, entre autres, la boulangerie Hansen, enfin, d'autres personnes, le canonnier. Ils nous ont offert les softs, ils nous ont offert la bière, ils nous ont offert, voilà, le vin, les sandwichs, enfin, voilà, on n'a rien. Donc, c'est tout bénef pour l'association. Ça, c'est bien. Donc, enfin, voilà, quand c'est pas bien, on le dit. Et moi, je trouve que là, franchement, un grand coup de chapeau à tous ces gens-là, parce que, et malgré tout ce que vous savez qu'on a dit sur nous, bah, quelque part, ça nous fait chaud au cœur, parce qu'on se dit, bah, quand même, encore des gens bien et qui nous soutiennent et qui croient en nous. Ah, et bah, parce que c'est une association qui est bien, qui a une belle vocation. Y a des infos qui traînent sur Internet, si on veut en savoir un peu plus, pour les gens qui nous écouteraient pas demain, ou est-ce qu'il y a une page Facebook pour l'événement? Déjà sur ma page Facebook, ouais. Fabrizio Zeva, puis à la page de l'ASBL, ouais. On a vu une étoile et tout est possible. Et il y a la page événement qui est et sur puis, la page de l'ASBL aussi. Voilà, il y a un site internet? Oui. Alors, rappelle-nous l'adresse. C'est www.emonsite. C'est emonsite. Ah, mais j'ai jamais le site, excusez-moi. Je retiens pas. Oh, ça, oui, ça va être un long. Bon, on va faire un lien sur la page Facebook. Mais de toute façon, sur la page Facebook, il y est. Donc, si vous allez sur la page Facebook, le lien y est. C'est. Vous tapez un rêve, une étoile, et tout est possible. De toute façon, sur Google, vous tapez un rêve, une étoile. On a tellement fait de conférences de presse, hein, de journaux, de toutes sortes de choses. On a tellement fait. Non, mais je veux dire, on a tellement fait d'articles de presse et tout ça sur ce qu'on a fait. Et encore ici récemment pour Paradisea, que vous tapez un rêve, une étoile, il y a le Google. Il y a Donc vous aurez toutes les informations. Donc je vous rappelle évidemment donc que c'est le 25 juin, donc à partir de midi, c'est un apéro. Apéro et ça s'appelle un thé dansant. C'est un thé dansant. Mais j'ai pas fini ma phrase, Onissa. Et un thé dansant et ça se passe donc à la Grange. Donc surtout n'hésitez pas à y aller. Alors l'entrée est gratuite, donc ne vous privez pas. Et d'autant plus que effectivement il y aura Fabrizio Zeva qui va se produire. Donc ils font les andouilles à côté de moi là. Se produira donc pour Il faut du monde, on veut du monde. Il faut du monde. Et puis il va faire beau, ils annoncent une belle journée. Donc voilà. C'est vraiment une occasion de se retrouver. Et il fait frais dans cette salle justement. Il fait frais dans cette salle, s'il fait chaud. J'y serai le 25. On souligne aussi qu'il y a Vincent. Vous vous rappelez Vincent qui est venu ici? Elle va chanter aussi. On lui a demandé aussi de chanter quelques chansons. Elle va le faire, donc on est super content. Donc ça va être un bel événement. Ouais, ça va être sympa. Et puis puisque Dom est là, on va aussi en profiter. Ah ouais, bien sûr. Si vous entendez un mec qui chante même, vous venez voir 24 Touareg. Si vous voulez entendre un mec qui chante, c'est pas Sherlock. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, si tu peux mettre ton micro, ce serait bien aussi. Si on veut bien se taire un petit peu, en fait, là, il y a la chanson qui tourne, Un rêve, une étoile. Donc ça c'est la maquette. La démo, ouais. La démo. C'est avec le compositeur de chez. C'est pas mal hein. Ah oui. Ah si, c'est quand même assez dense, ça bouge. Ouais, c'est chouette. Ouais. Mais j'ai peut-être pas entendu la version que vous entendiez au départ, c'était la maquette. Ouais. Là, c'est déjà une belle version. Et quand le mec à côté m'a pris mon casque. C'est pop, c'est radiophonique. On a hâte. En tout cas, nous, on est de tout cœur avec vous, évidemment. On viendra faire un saut donc ce dimanche 25, donc à la Grange, à partir de midi, pour voir déjà pour l'association aussi, hein, puisqu'on rappelle les bénéfices. Tous les bénéfices se partiront pour l'association. Donc un rêve, une étoile, et tout est permis. Possible. Et c'est permis aussi. Mais c'est permis. Fais attention parce que si Canon il vient chanter avec vous, il va falloir changer le nom. Ça sera un cauchemar. Moi, faut jamais me dire que un cauchemar, la lune. Non, tout est possible, mais rien n'est, tout n'est pas permis. Non, les blagues à part, donc à noter donc le 25 à la Grange, donc à partir de midi. De nombreux. Bon, merci à vous. Ouais. En tout cas, je sais que vous avez plein de choses à faire. Fabrizio, tu reviendras nous voir évidemment quand tu auras sorti ton album. Dès que c'est là, évidemment. Je pense que d'ailleurs vous serez les premiers à avoir. J'espère bien, j'espère. Me fasses un petit showcase ici en direct, ce serait bien. Et évidemment, quand tu auras donc le single qui sortira aussi, évidemment, pour nous le faire découvrir et puis le faire découvrir aux auditeurs. On sera un plaisir. Je ne sais pas si tout le monde pourra venir peut-être en direct, mais on essaiera de faire les trois carrés. Peut-être juste le parrain qui habite Toulouse, mais les autres, normalement, c'est toute la région. On pourra. Et ben ça marche. On s'équipera le jour-là pour faire. Eh bien, on se quitte avec l'association, on se quitte sur une petite pause musicale, Sherlock. Oui, alors avec Depeche Mode et Behind the Wheel. Ouais. Et Eighth Wonder avec Cross My Heart. Ah ouais. Et c'est parti. Allez, ouais. Et bien merci à vous. Merci. Et puis, merci à vous. Comme merci. Et à dimanche, 25 à la dimanche. On compte sur vous, venez nombreux. Salut ses partenaires. Salut ses particuliers. Et on est avec vous sur RQC. Dans l'émission 80 à l'heure. Je suis un être à la recherche, non pas de la vérité, mais simplement d'une aventure. Sherlock, il se fait plaisir. Donc effectivement, vous êtes toujours dans l'émission 80 à l'heure, hein, sur RQC 95 FM, comme tous les mardis soirs, de 20h à 22h30. Alors, on a reçu à l'association donc un rêve, une étoile, et tout est possible. Donc je vous rappelle que vous pouvez donc les aider tout simplement en assistant donc au concert qui va avoir lieu donc à la Grange. C'est un thé dansant. C'est un thé dansant, ouais. Ben, un concert thé dansant, ouais. Ouais. Autant pour moi, t'as raison. Donc apéro thé dansant, donc à partir de midi, c'est gratuit. Et vont se produire donc sur scène, c'est sûr, Fabrizio Zeva, qu'on vient de recevoir à l'instant. Il y aura aussi notre ami Canon, hein, qui va aussi pousser la chansonnette. Et il y aura d'autres surprises. Donc c'est ce dimanche-ci, donc le 25, à partir de midi. Donc apéro, thé dansant. Donc à la Grange, c'est du côté de la Prairie, rue de la Vellerie, donc à Moucron. Voilà, tout est dit. Et est-ce que j'ai entendu dire, pour les groupes, on peut y faire d'excellents bœufs aussi Alors Flip 4 il parle pas beaucoup. Ouais. Alors quand il parle, il faut que je trouve l'occasion pour parler en fait aussi. Ah non mais sérieux, ça fait un peu. Tu es un peu notre capucine à nous, tu sais, dans TPMP. Ah oui. Notre petite capucine à Nav à nous. C'est pas juste Flip 4 de dire tu peux pas prendre la parole quand tu connais hein, capucine à Nav. Non mais il y a des moments où j'aimerais bien, mais comme j'aime pas couper la parole. Bah, il faut. Mais après, c'est pas de circonstances. Mais moi, et Flip 4, je te rejoins. Je suis un mec éduqué qui coupe jamais la parole. Mais quand t'es avec Harry pendant 5 ans, il faut apprendre à le faire parce que tu vas jamais t'exprimer. Mais moi je pense que parole, c'est il faut tac, on y va, hop. Non, ouais, et après ça. Si tu veux le truc que je veux sortir, c'est plus de circonstance quoi. Mais justement, clac, faut sauter dessus. Ouais, donc c'est sûr, si tu nous parles d'une faut date qui va avoir sur alors, le 6 juin 2017 alors le 6 juin 2017, il va y avoir un concert, c'est un peu trop tard quoi. Ouais. Et tiens, à propos Je reviens à ça, sur ton événement, tu vois. Ouais. Parce que sur son événement, je le fais exprès de Perouet, c'est vachement intéressant parce que ceux qui prennent peut-être l'écoute maintenant, je pense vraiment dans l'esprit des années 80, c'est Alphaville à Perouet, mais j'ai plus la date. C'est tu alors le c'est 31 le 30 ou le 31 juin. 30 juillet. Si tu... 30 juillet, 30 juillet. Le 30 juillet. Est-ce qu'il n'y a pas 31 juillet. Non, mais le 30 juillet tout ça, je pense pour tous ceux qui nous écoutent, c'est quand même Alphaville il y a pas que tu me disais Forever, j'aimais beaucoup Alphaville, il y a Big in Japan, Forever Young, j'ai pas tous les titres mais ils ont fait quand même des trucs super sympas, ça peut donner. Hein. Ah, bien sûr. Ça va vraiment. Mais complètement. Que je l'ai mis dans mon agenda, il y a tellement de trucs qu'on fait, on peut pas aller partout. Ça, je l'ai mis, j'y serai. Ouais, non, mais c'est clair. Effectivement, donc c'est un rendez-vous à ne pas louper, mais on en reparlera d'ici là. Évidemment, c'est le 30 juillet, donc on a le temps. Mais par contre, ce que je peux vous dire d'avance, c'est qu'effectivement, il va y avoir du monde. Donc, c'est dans le cadre donc de la fête de la Sainte-Anne. Donc, c'est une fête traditionnelle qui a lieu tous les ans à Perouet. Et si vous allez sur Internet, vous verrez les infos. Je voulais vous parler d'un truc parce que le matin j'ai eu le temps de regarder la télévision et je suis tombé sur un phénomène qui a lieu sur en Norvège. Et je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la Slow TV. La Slow TV ? Ouais, Slow TV. Vous savez ce que c'est ? C'est pas un pays. La télé qui va tout lentement. C'est slow motion ? On n'est pas loin, Canon, on n'est pas loin. Mais c'est quoi Slow TV ? Bah, il repasse tout des. C'est deux mots, hein. C'est pas. Slow TV. En un mot, on pourrait penser à un petit pays. Truc de fou. Et il paraît que ça va venir ici en France. Ça se passe sur la télé norvégienne. Alors. Si vous essayez de traduire Slow TV. Slow TV, c'est la télé lente. Est-ce que c'est. C'est pas Snow, hein. C'est Slow. Slow TV. Slow TV, oui. C'est slow, ils font lent ou alors la danse. Le slow. Dans, comme en anglais, slow, lentement. Lentement. Et TV comme télé alors. Comme télé. Oui. Merci Flip. Alors, c'est pas les gens qui se filment comme si c'était en slow motion en fait, mais. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et en fait, il y a une chaîne spécialisée. Voilà. Vous avez la possibilité, par exemple, de voir un bateau qui traverse un fleuve pendant 30 heures. Et la caméra est embarquée. Et vous pouvez vous retrouver donc sur un fleuve, et puis pendant 30 heures, le bateau... C'est en temps réel, en fait. Oui, c'est en temps réel. Alors, je ne sais pas si c'est en temps réel. Ça, je ne vais pas vérifier. Et Sherlock, faudrait te filmer en train de faire l'amour. Ça te donnera l'impression que tu tiens 20 minutes. Il y a ça. Il fait l'amour, au moins. Vous avez également dans le programme en train, en moto, en voiture. Et ils sont fans. Et il paraît que ça fonctionne très, très bien. Donc, les gens... Ils feraient ça ici avec le Tour de France. Ça marcherait peut-être, hein. Ils mettent une petite GoPro sur un vélo, le vélo d'un gars du peloton, ou un truc comme ça, ça pourrait. Ah oui, mais attends, je me moquais, je comprends pas le concept. C'est qu'en fait, là, tu disais, ils mettent une caméra et c'est toute la traversée en live ou c'est en ralenti? Alors, je crois que c'est en ralenti quand même. Mais je pense, parce que je veux pas dire. En ralenti, c'est pas en vitesse normale. Je percute là-dessus, mais en diagonale, il y a 3 semaines, j'ai vu un truc là-dessus. Non, parce qu'en train, j'imagine. T'as vraiment des ralentis qui sont assez exceptionnels, mais. C'est pour ça que je te taquinais, je dis, parce que c'est un truc, je crois que tout est ralenti, et puis bah ça me fait penser un peu au New Age. Si il me filme en train de faire l'amour, au moins je tiendrai 30 secondes. Bah voilà, c'est pour ça que j'ai dit. Ah bah merci de me time, allez, je le sens. Ça va aller vite pour charger sur YouTube. C'est vrai. Ah, c'est pour ça que quand Flipkat te coupe, il est en slow TV. Voilà. Il prend le temps. Ah bah tiens, on parlait de grosses dates aussi musicales. Non, c'est pas une date, hein. Un rendez-vous aussi qui peut être intéressant. Alors, plus pour nos amis électro, évidemment, mais il faut savoir qu'à Béthune, donc dans le Pas-de-Calais, au 14 juillet, ils ont quand même les moyens. Tu as la date, hein. Le 14 juillet, c'est Bob Sinclair qui vient. Bob Sinclair. C'est Bob qui vient. Qui vient se produire gratuitement, donc j'imagine sur la place de Béthune. Donc, ils ont vraiment les chapeau. Moyens. Et quand même. Vous n'avez pas Bob l'éponge. Et il y a aussi, alors maintenant je vais faire appel à ta mémoire, mais il y a aussi Antoine Foster qui sera là. Oh oui. Tu vois qui? Oui. Le saxophoniste. Absolument, qu'on avait rencontré avec la troupe. Avec qui on avait discuté, j'ai eu un doute. Avec la troupe Évasion Spectacle. Voilà, donc un saxophoniste hors pair qui se produit avec plein d'artistes. Alors j'ai des noms, je ne les connais pas, je ne m'en souviens plus, mais il y avait des Julien Clerc, il y a des Sardou, il y a des collectifs métissés aussi. Ouais. Ils tournent avec des grands artistes. Pour ceux qui ne voient pas, vous avez une musique très actuelle, par exemple, quand on entend. Je me demande si c'est pas lui d'ailleurs. Bah si. Donc c'est lui, et donc il joue comme ça, mais à un moment, bah, lui, vous dites c'est sympa, c'est techno, déjà c'est en live, mais à un moment il se lâche au sax, et tout le monde se dit, bon bah maintenant il va nous faire un truc à 10 balles, non c'est un saxophoniste, c'est impressionnant, il vous tape des délires sur des musiques techno au saxo, t'as jamais entendu ça. Il est très sympa. Il va se produire où lui alors? Alors lui il se produit donc à Béthune, il sera certainement en première partie de Bob Sinclair j'imagine, ou alors peut-être qu'à un moment il va l'accompagner, ce qui serait pas impossible. Il tient la route. Ce qui serait pas impossible, et à l'époque on l'avait vu avec Timothy Milton, qui est un DJ qui fait parler de lui aussi également, et qu'on retrouve un peu partout dans la région, et on avait eu l'occasion aussi de faire la première partie. Non, mais j'ai dit, t'as de bonne mémoire des noms, je me souviens plus. Je suis retourné sur internet. Ah oui, d'accord. Je me souviens de la soirée du gars. Antoine Foster, ça me parlait. Et puis du coup, je suis allé voir sur internet, j'ai dit, mais oui, bien sûr, Antoine Foster. Si vous tapez sur internet Antoine Foster, et vous écoutez ce qu'il fait, alors il fait pas mal de reprises, mais il fait aussi des compositions. Pardon. Un peu électro, hein, on aime ou on n'aime pas, mais c'est assez sympa. Mais il est brillant, c'est-à-dire si on le paye pour faire un set, bah, il va déjà jouer très bien, donc vous dites ok, fait son job, mais on sent que c'est un passionné, donc à un moment il lâche les chevaux et il prend son sac, c'est atroce, c'est une tuerie. C'était un grand moment parce que nous, enfin pour la petite histoire, on avait fait un spectacle, on était fort fatigués quand même. Et en fait, ils ont suivi et nous, on s'est en train de se démaquiller et puis on était pour prendre un bus. Tu te souviens que ça a même râlé à un moment, le bus nous attendait, on était loin. Hein, et en fait, lui, il a commencé à jouer, etc. On a bringué pendant 4 heures, ça a hurlé pour récupérer les mecs dans le bus. On s'est mis au moins 4 Perrier, voire plus, dans le nez. Et c'était. C'était sympa. Et on a eu droit à un grand moment d'Arthur à ce moment-là, mais c'était pas celui auquel on pense. Bref, c'est un petit truc entre nous. Ça, c'est un peu perso. Et puis, ça Coldplay. On va pas tout vous raconter. Surtout pas. Non, puis c'est pas forcément intéressant pour les auditeurs et auditrices. Sherlock, est-ce que t'es prêt ou pas? Ouais, bon, j'aurais pu passer une petite pause musicale, je le ferai après, non, c'est pas grave. Non, c'est toi qui le dis, hein, c'est toi le chef. Vas-y, chef. Bon, bah ok, bah, alors comme je suis le chef, je passe une petite pause musicale avec Jimmy Cliff et Reggae Night. Yeah. Ouais. Et ensuite, bon, on va rester un peu dans le style un peu reggae avec Musical Youth et Pass the Dutchie. Ah ouais, passe le joint. C'est ça. Hein, passe le spliff. Ouais. C'est un joint. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, ouais. Et comme quoi, et nous les Français, quand on avait entendu cette chanson-là à l'époque, parce que j'ai connu quand on était jeune, on était loin d'imaginer que ça voulait dire ça. Hein. Bah, tout à fait. Bah, surtout chanté par des jeunes, qu'on se doute pas du tout que c'est ça. Ah, bah non, complètement. The French Dunchy, le joint français. très connu. Et c'est pas le joint de la main gauche. Pourquoi? Ah, ouais, ah bah, si tu fais toutes les paroles, ouais. Ok. Ah oui, ouais, d'accord. Mais c'est pas le titre. Parce que je veux dire, non, c'est le complément du titre. Ah oui, c'est un complément. Ah bon, c'est le complément du titre. Enfin non, la phrase c'est ça en fait. Ah oui, oui, d'accord, ok. D'accord. Eh ben vas-y, on y va. Allez, bah c'est parti. Listen to this. Jam it. How does it feel? chip on the left hand side. Pass the touchy on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and from. It a go done. Give me the music, make me looking at it down. Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang. So I stopped to find out what was going on. How does it feel when you got no food? Cause the spirit of Jah, you know he leads you on. How does it feel when you got no food? There was a ring of dreads and the session was there in swing. How does it feel when you got no food? And you could feel the chill as I seen and heard them say. How does it feel when you got no food? Pass the dochi on the left hand side. I said, pass the dochi on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and pump. It a go done. Give me the music, make me jump. Chip on the left hand side. Pass the dutchie on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and pump. It a go done. Give me the music, make me looking at the down. You play it on the radio, and so me say we a go hear it on the stereo. And so me know we a go play it on the disco. And so me say we a go hear it on the stereo. Stereo. Pass the dutchie on the left hand side. Chip on the left hand side, it a go bun. Give me the music, make me jump and pump. It a go done. Give me the music, make me looking at it on. On the left hand side. I say. On the left hand side. I say. On the left hand side. Alors, un indice, est-ce que c'est un film de George Lucas ou pas? Non, pas du tout. Non, on n'est plus dans le ciné rétro 80, là. Ah, merde. Ah ouais, je suis pas le... Donc, il n'y a pas de DeLorean non plus, alors? Non plus, non, non, non. Quoique, il y aurait peut-être pu en avoir, hein. Ils auraient pu en trafiquer. Ouais, ouais, ouais. Mais ça va ressortir, il paraît, la DeLorean. Oui, c'est... Ouais, ouais. C'est moi qui t'avais dit ça l'autre année. C'est ça, hein. Ouais. Ouais, ils ont racheté les restes des stocks de pièces et... Ça va valoir combien, une bagnole pareille? Par contre, pour les moteurs, je sais pas comment ils vont faire. Enfin, c'est les... Parce qu'à l'origine, ce sont des moteurs français. Ah les oui. moteurs PRV, ouais. les V6 Peugeot Renault Volvo. Oula. Qui avait dedans, ouais. Connaisseur ici, hein. On voit le mec J'ai fait un pari une fois avec Jean-Michel du Pierrot. D'accord. Qui persistait en disant, ouais, c'est un moteur Buick. Et puis on a fait un pari là-dessus. D'accord. Et ouais. c'est un moteur français. C'est un moteur français, ouais. D'accord. On t'a coupé dans ta chronique. Non, mais c'est pas grave, mais j'apprends des choses. Hein. Ah, ça va. C'est toujours bon à savoir. Mmh. Donc oui, je vais vous parler des sorties cinéma pour demain en Belgique et en France. Je vais commencer avec la Belgique, mais ça sort également en France. Mmh. Donc en fait, je me mouille pas trop. Avec le film Chaos, c'est avec Laurent Lafitte, Chiara Mastroianni et Pio Marmaille, un film de Fabrice Gobert. Donc c'est Antoine Lecomte qui est joué par Laurent Lafitte, qui est un homme de pouvoir, arrogant et dominateur, tant dans son milieu professionnel que dans sa vie privée. Au terme d'une journée particulièrement oppressante, il est plongé dans le coma. Ouais, il fait chaud, j'ai un peu de mal. Il est plongé dans le coma. À son réveil, plus rien n'est comme avant. Rêve ou réalité, complot, cauchemar, il est chaos. Ça m'a un peu fait penser à l'aube du sixième jour avec Schwarzenegger. Ah oui. Parce qu'en fait, il revient... dans sa vie et plus rien n'est comme il l'avait quitté. Ouais, mais en y avait fait, un... c'est-à-dire que il vient dans sa vie, mais lui a plus sa place. À l'aube du sixième c'est ça. Jour, en fait, il fait pour rentrer chez lui. C'est plus chez lui. Non. Ouais. Il veut revenir dans sa boîte, mais il est plus patron de sa boîte. Enfin, tout a été changé, oh, il n'est plus rien en fait. Ouais, ouais, ouais. Si, et en fait, ça, ce qui est il va le subir et alors ça lui apprendra. Ouais. Alors, du sixième jour, c'était avec des il y avait un clone. Oui, il y avait un clone. Bon, là, il n'y a pas de clone apparemment, mais sa vie est complètement chamboulée et il repart complètement de zéro. Ça doit être terrible. Tu sais qu'ils entraînaient des agents de la CIA qui n'étaient pas au courant. Là, c'est un secret d'État où parfois il est drogué ou le mec tombait endormi. À part que lui, il se réveillait, c'était voulu, il se réveillait comme s'il avait dormi 3 heures. Il avait dormi 3 jours. Il l'a amené au Japon, il l'a amené dans des choses pas possibles. Et tous les gars, les trucs qu'on lui avait inculqués, les numéros de téléphone, les machins, etc., en fait, quand il les composait, il n'y avait plus rien. Il lui faisait perdre toute notion de réalité. Mais pourquoi ? Bah, simplement pour voir comment le mec, en fait, réagissait en terrain hostile, incompréhensible, et si son entraînement reprenait le dessus, d'être méthodique en disant dans toute chose que tu ne maîtrises pas, il y a des choses à appliquer systématiquement. Donc il appelait le numéro de téléphone, ça fonctionnait pas, mais après on disait au niveau de la survie, au niveau des trucs et tout ça, le mec s'isolait, commençait à se trouver des trucs, et bon, bah, il repérait les agents qui étaient capables de s'infiltrer dans des trucs pas possibles, quoi. Des mimétiques. Il les appelait le fameux caméléon. Le film Caméléon. Ah ouais, il y a des gens capables de s'intégrer n'importe où, n'importe comment. C'était une très bonne série, ça. Ah ouais, oui, Caméléon, ah, c'était très très bien. Ouais, j'ai toujours adoré les animaux, moi, c'était... Non. Bon, non, demain sort... Mais c'est, moi, c'est Laurent Lafitte qui me gêne, mais après... Ouais, oh, bah là, je pense qu'il peut être bien. C'est pas un rôle comique, hein, donc ouais. Lui, il a fait partie de la comédie française. C'est ce que j'allais dire, la particularité, c'est qu'il a fait partie de la comédie française, voilà. Ouais. Donc là, je pense que le rôle peut lui convenir mieux qu'une comédie. Même ouais. Si, enfin, moi, j'ai déjà vu quelques comédies avec lui, ça m'a pas trop dérangé. Ouais, ouais. Question de goût. On le prend toujours pour le fils de Michel Leb, mais rien. Il y a aucun rapport. Hein, ouais. Il n'y a aucun rapport. Bon, demain sort enfin en Belgique le film Wonder Woman. Je sais que toi, tu trouves qu'elle ne ressemble pas. Elle ne ressemble pas du tout. On s'en fout. Mais... Ah, si, elle ne lui ressemble pas. On s'en fout. Je suis d'accord, elle ne ressemble pas à l'actrice qui était dans les années 80. Ah bah non, carrément pas. Mais elle a un air de ressemblance avec le personnage de comics. Ah oui, avec la BD. Donc voilà, ouais. Oui. Mais, celle qui jouait... l'actrice dans les années 80 avait aussi une ressemblance avec le personnage de la BD. Bah heureusement. Bah oui, mais parce forcément. Que si elle ressemble à Kermit la Grenouille, ça ferait un peu con. Mais non, mais alors c'est là où c'est. J'imagine. c'est là où c'est bizarre, c'est que tu trouves qu'elle ne ressemble pas à l'actrice, ouais. Mais tu trouves qu'elle ressemble au personnage. Mais ne penses-tu pas que la BD a évolué d'année en année et qu'elle ressemble plus aux dernières versions de la BD qu'aux versions des années 70 quand même. Ouais, possible, mais je, bon, je enfin, pense. Hein. En même temps, beaucoup de femmes peuvent ressembler à Wonder Woman parce que les traits sont pas si fins que ça. Ils sont pas super détaillés non plus. Donc, ouais. Quand tu l'avais arrivé, c'est pas la première chose que tu regardes, c'est pas les traits ni le bouclier. C'est vrai. Mmh. Ouais, c'est vrai qu'ils avaient même pensé à Mimi Mati pour le faire. Ouais, le bouclier. Ah, c'est pas con. Et mais vous avez vu, en fait, vous êtes au courant. Enfin, je sais pas si vous avez dit, tu vas pas nous la refaire. C'est tu me fais penser là pour le coup. J'espère qu'il écoute pas mon père. 25 ans après, il fait ah, c'est comme un jour. Oh non, papa, pas l'histoire du. Ah, je vous l'ai déjà rencontré. Mais t'es con. ça fait 100 fois. Ah, bah, je vais vous la refaire une fois. Non. Alors, Wonder Woman. Oui, bah oui, Wonder c'est quoi, Woman. Donc, en fait bah, c'est avec donc Gal Gadot, Chris Pine et Connie Nielsen. C'est un film de Patty Jenkins. C'est sorti en France déjà depuis le 7 juin. Donc, avant d'être Wonder Woman, elle s'appelait Diana Prince, et elle était princesse des Amazones. Elle était entraînée pour être une guerrière impossible à conquérir. Il y a un aviateur qui s'écrase sur son île, ouais. Et elle décide d'aller l'aider parce qu'elle apprend qu'il y a une guerre. Une guerre donc dans le monde, et elle décide d'aller l'aider et de mettre son île au service. Ouais, voilà. Comment ça se fait qu'elle se transforme justement Elle a déjà le pouvoir. Oui, en fait, c'est une. Elle a été créée par Zeus. Oui, il lui est caché en fait au départ, parce que c'est une fille d'un dieu. Ah, d'accord. Ok. Elle a été créée par Zeus à partir de terre glaise, je pense, ou quelque chose comme ça. Il bosse bien le mec, hein. Adieu. Ouais. Moi, j'ai été créé par mon père à base de terre ken. Ah ouais, c'est pas pareil. On voit le résultat. Tu bah oui, c'est ça. C'est une façon plus délicate de dire j'étais fini à la piste. Quoi. J'ai pas de bracelet narin, moi. Et il manque une goutte. Alors ensuite sort en France. Attends, une question. Oui. Donc elle avait qu'un sein alors. Et bah non, et non. Et bah alors, c'est pas une vraie Amazon. C'est vrai. Ouais. Je suis d'accord. C'est vrai, belle notion mythologique. Ouais, alors, après. Quoique s'il en avait 15, c'est fréquent quoi. Faut expliquer aux auditeurs pourquoi. Enfin, ouais, évidemment, on va pas les prendre, ouais. Pas les érudits, mais il y en a certains qui savent. Les Amazones se coupaient un sein pour pouvoir tirer à l'arc. Ouais. Voilà. Pour pas se prendre le nichon dans la corne en fait. Hein, c'est, ouais. C'est vrai. Ah, par contre, j'imagine pas tirer une femme qui a. Non, pardon. Bah, sans merdant, il y a ta deux mains quoi. Après, ouais, c'est comme un jean sans poche, ouais. C'est pas toutes les mains quoi. Bon, parlons pas de demain, revenons hier. Allez, ok. Alors, donc, ensuite sort en France le film Les Ex, c'est avec Jean-Paul Rouve, Arnaud Ducré et Stéphie Selma. Ouais. Stéphie Selma, si vous vous souvenez, c'est si vous avez vu Les Profs, la comédie, oui. Les Profs, c'est la prof Black. Qui est canonissime. Oh, pauvre bague. Ah oui, d'accord. Donc, c'est un film de Maurice Barthélémy. Et Maurice Barthélémy joue également dedans. On n'a pas encore de date pour la Belgique. Donc, si Paris est la ville des amoureux, elle est aussi celle des ex. Antoine n'ose plus s'engager. Didier regrette son ex-femme. Le père Laurent doit célébrer le mariage de son ex, Julie. Serge est harcelé par Lise, l'ex de sa petite amie du moment. Tandis que Greg se console avec le chien de son ex. Autant retomber amoureux. Non, autant de personnages dont les vies vont se télescoper dans un joyeux désordre et qui pourraient bien retomber amoureux. Mais de qui ? Qui nous obsède ou que l'on adore les détester ? Au fond, il est difficile d'oublier ses ex. J'ai pas tout compris. C'est également avec Patrick Chenet. Ouais. Et franchement, ça m'a l'air assez sympa. Franchement, j'ai vu la bande-annonce, ça m'a donné bien envie quand même de le voir. Des quiproquos. Ouais, un quiproquo des quiproquis. Ouais. Elle a pas beau, elle a pas bu. Hein, non, mais sérieux, on dit des quiproquis. Hein. Bah oui. Oui. Oui, tu as raison, ouais, des quiproquis. Bah, c'est un scénario, des scénaris. Ouais. Elle a pas beau, elle a pas bu. Un zozo, des zizi. Un spaghetto, des spaghetti. Normalement, ouais, je pense. Ah bah, je pense, ouais. Un raviolo, des raviolis. Absolument. J'aime pas ça. Un gigolo des gigolis, un petit vélo des petits vélis. Bon, on va finir, on va arrêter là. C'est ça. Ouais, sinon, donc, ouais, et enfin, je vais finir. Alors, le seigneur de l'anel, le seigneur des anneaux. Je me suis demandé si. Voilà. Je me suis demandé si j'allais le mettre, ce film, parce que je savais pas du tout quoi en penser. C'est Le Manoir, c'est un film français de Tony Dattis. C'est fait avec des youtubeurs d'ailleurs. Également, ouais. Alors, ça sort également en Belgique demain. C'est avec Kemar, Natou et Ludovic. Ça, c'est donc des youtubeurs. Ouais. Donc, c'est une bande d'étudiants qui vient fêter la nouvelle année dans un vieux manoir isolé de tout. Mais peu après leur arrivée, des événements étranges perturbent l'ambiance avant que la fête ne tourne carrément au cauchemar. Alors, c'est noté comme étant une comédie et épouvante horreur. Interdit moins de 12 ans, hein, quand même. J'ai vu la bande-annonce, je m'y suis perdu, par contre. Mais c'est compliqué, mais moi aussi, j'ai regardé, je me suis dit, ah, c'est une comédie. Et après, on voit un truc, on dit, ah bah non, c'est un film d'horreur. Et ils reviennent avec des blagues, tu dis, ah bah non, bah en fait, c'est une comédie. Les prises de vue, si tu veux, paraissent très pro, mais je sais pas, c'est une bande-annonce, ça m'a paru fouillis. Je sais que je suis pas très malin, je comprends pas tout. Les prises de vue paraissent très pro, par contre, les acteurs paraissent très. Voilà aussi. Naze. Tu as raison. Faut le dire, c'est pas. Non, il y a pas de substance. Il y a pas de substance. Ils sont pas terribles. Très, très amateur en fait. J'aurais plus dit que très lince. Bah, le mec avec ses lunettes là, comme le premier là, dont tu as cité, t'as cité le nom. Kemar. Kemar, ouais. On sait pas d'où il sort. Hein, et honnêtement, je l'ai vu justement en interview ce midi. Bah, il m'a vraiment pas donné envie d'aller voir le film. Hein, mais vraiment pas. Et la bande annonce, encore moins. Bah ouais, c'est béant. Ouais, t'as vu la bande-annonce aussi. Bah merci. Bah, non, c'est... Elle m'a vraiment perdu. Oui, mais moi c'est pareil. C'est pour ça, je savais pas si je devais en parler ou pas parce que. Bah si, ça sort. Mais. Dit, enfin bon, il y avait d'autres films qui étaient. Tout ce qui sort, tu dois en parler. Tu sais que t'es écrit de bouton, on en parle. En fait, j'en parle parce que ça m'a un peu perturbé. Je me suis dit, c'est une comédie, non. C'est un film d'horreur, non. Enfin, c'est un peu les deux et je savais pas trop quoi en dire. Donc, allez le voir, allez vous faire une opinion par vous-même, je dirais, parce que là. Ça, j'étais un peu circonspect devant. Alors moi sincèrement, que circoncis. Mais... J'étais voir la liste de Schindler, je suis resté circoncis. Mais moi je les ai vus justement en interview ce midi. Et effectivement, tout part de deux youtubeurs ou trois youtubeurs, c'est ça, ouais. Qui faisaient des vidéos sur YouTube et Ah bah, donc ils ont. Bah, les youtubeurs, on peut aller sur YouTube et on n'a pas dit des Facebookers. Voilà. C'est pas des Facebookers, c'est des youtubeurs là, ils font sur YouTube. Donc, sinon, j'aurais fait sur Facebook. Et ils ont montré un exemple de ce qu'ils faisaient, mais c'était d'un naze pas possible. Ils se sont fait connaître comme ça. Alors, je sais pas qui les a produits, mais. Et puis après, c'est vrai, quand on voit la bande annonce, je la trouve complètement insipide. Oui, alors, c'est vrai. Soi-disant, c'est une comédie, il n'y a pas un moment où ça m'a fait sourire dans la bande annonce. Soi-disant, c'est un film d'épouvante, je vois pas ce qu'il y a d'épouvantable, à part les acteurs, mais. Mais en fait, ouais, voilà. T'as l'impression qu'il va se passer un truc, mais oui. Tout ce qui est fait, quand je disais niveau photographique, les prises de vue sont vraiment pas mal, les lumières sont pas mal. Ah oui, peut-être, mais en fait, ouais. Il se passe rien, et les acteurs ont pas de substance, tu comprends pas vraiment à quoi ils veulent venir, c'est qu'au départ, ils s'amusent et tout, il y en a même un, je crois, dans la bande-annonce, qui fait peur et tout ça, oui. Et d'un seul coup, il s'arrête en fait, et ça te parle d'humour, d'accord. Parce qu'apparemment, il faisait un rôle. Voilà, et la bande-annonce, logiquement, t'as compris, c'est des jeunes qui rigolent, qui se font peur et tout ça, et à un moment. Bon, et même la musique, le truc, la mise en image, tu fais, il y a un drame. Mais là, ça te fait pas peur du tout. C'est pas rigolo du tout, je suis d'accord. Les acteurs, il n'y a pas de substance. Les filles qui sont là ne sont pas nues. Enfin, il y a. Il n'y a rien de. Non, parce que je juge un film à sa qualité cinématographique. Et comme Wonder Woman. Voilà, oui. Moi, tout est dans l'histoire. Bon, vous iriez voir quoi alors? Wonder Woman. KO, ouais. Canon, alors évidemment. Ouais, non, mais moi, c'est pas. Wonder Woman, j'irai le voir, mais c'est parce que moi, dès qu'il y a un comics ou un Marvel, je vais aller le voir. Je sais pas. Il y a rien qui. Non, moi, ça m'attire pas. Le premier, c'était quoi? KO. Le pas le premier dans après ta les ex. Si, le premier c'était KO avec Laurent Lafitte. Ouais, si, donc non, objectivement, c'est rare. Parce que je vais voir vraiment beaucoup de films. Là, je crois pas que c'est. Je vais y aller. Et toi, Philippe, quatre verdicts. Verdict. Wonder Woman. Rien que pour le bouclier. Ouais, tiens. Bah, je pense. Je sais pas. Il y a quelque chose dans le regard. Ouais, absolument. Quand t'es à genoux. Je vous rappelle qu'il y a une très très très belle statue au Forever de Wonder Woman en version normale. Latex peint et tout ça. Ah non, je dis oui. Mais oui. Non, et puis vous dites, ok, on va avoir une belle représentation. C'est un latex moulé, etc. Moi, je suis arrivé, je fais. J'ai putain de rien. J'ai l'habitude des trucages graphiques. Ils vendent les affiches. Ils ont mis la lumière. C'est formidable. T'as l'impression de voir une femme complètement. Une vraie femme. Je vais mettre une option dessus, je vais la ramener chez moi. Je crois que c'est pas possible. Non, si tu veux, j'ai Hulk par contre. Pardon ? À mon avis, j'ai Hulk. T'as déjà mis quelque chose dessus, toi ? Sur Hulk ? Non, mais c'est parce qu'ils la vendent après, quand le film est. Tu vas voir quoi, toi ? Bah, pour éviter Canon, je vais aller voir KO. Bien vu. Et toi, Sherlock ? Mais moi, KO me tente bien aussi. T'évitera pas Harry. Bon, bah alors, du coup, pour éviter. Bah, moi, je vais aller voir le manoir. Et dès qu'il est rentré, on l'enferme. Mais mais c'est vrai. Ouais, c'est vous étiez en train de parler d'une chose, c'est vrai qu'il est important parce que mais vous en parliez à demi mot ou je suis pas sûr que les Hercusiens et Hercusiennes aient compris. Mais effectivement, tout ce qui est PLV, par exemple au cinéma Le Forever, oui. Vous pouvez vous les procurer. Absolument. Et vous pouvez vous les acheter à des prix complètement démocratiques. Absolument. Par contre, les affiches, les silhouettes, tout. Alors maintenant, les silhouettes. Étant passionné, connaissant bien, faut s'y prendre à l'avance. Largement. Faut pas acheter le patron, mais faut être sur la liste. Je peux vous dire que. Moi, quand je sais qu'il y a un film qui va sortir, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai beaucoup de posters et de là, et même les dessous, les tapis, les trucs. Quand tu sais que le film de Star Wars va sortir dans un an et demi, je contacte pour déjà me mettre sur la liste, d'essayer de savoir s'il y a l'affiche pour l'avoir en A3. Hein. Ah ouais, non, mais je sais. Un an et demi avant. Bien sûr, je me doute. Non, mais c'est une passion aussi. Par contre, il reste encore la PLV pour les Schtroumpfs. Tu peux encore te la procurer. J'ai fait 2 mètres de haut sur 3. Il me reste une trentaine d'affiches aussi des spectacles d'Harry avec les tracteurs. D'ailleurs, pour ta gouverne, il reste aussi quelques affiches avec Catherine Ringer. Ouais. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas. Je suis pas sûr qu'elle est sortie au Forever, quoi. Ah non, ouais, c'est possible. Non, c'est sûr, c'est certain. Mais en plus, c'est des films qui datent des fins des années 70, début des années 80. Donc, voilà. On est mardi. Le mardi soir, c'est un feuilleton. Je n'aime pas regarder les feuilletons, mais un feuilleton que j'avais toujours rêvé de voir. Ouais. C'est l'arme fatale pour voir un peu ce que ça donne. Oui. Ouais. Quelqu'un a vu un replay? Bien sûr. Ou pas donne quoi alors? Moi j'ai bien aimé. J'en ai vu une dizaine. Moi j'ai bien aimé. Je regarde en replay. Mais Sherlock et moi on a cet esprit, c'est-à-dire quand je l'ai regardé d'entrée, mais ça n'a rien. Non. Tu rentres dedans, tu vois le deuxième et le troisième. Et en fait c'est très bien parce que c'est tout à fait différent. C'est exactement ça. L'esprit est identique. Cette dualité avec les deux acteurs, avec lui. qui est pas du tout Mel Gibson, mais qui est peut-être meilleur à certains moments et qui est moins. Mais bon, après, c'est un téléfilm, ça n'a pas non plus les moyens de. Mais ça bouge bien, c'est comme une série que j'aime beaucoup, je rebondis, c'est Hawaii 5-0. Voilà. Bah, c'est vrai, quand on voit 20 d'affilée dans la soirée, il arrive un moment, ça se ressent, mais quand tu prends un épisode comme ça, ok, le blond et le truc, ça marche, le. Et pourtant, t'as oublié complètement bah, le black était Miami Vice, Hawaii Police d'État avec le gars avec son pistolet Siku Behringer et le petit japonais ou hawaïen à l'époque. Oui, je sais plus. Ouais. Ça vous parle pas? Si, non si, si. Mais tu sais, à nouveau, ouais, il faut la réécouter en version optimisée maintenant. Ah oui, tu parles de la nouvelle version. Ouais, bah, c'est exactement la même avec des synthés, des trucs, et c'est bien remixé. Le mec, on a des spécialistes du son maintenant. Boum, boum, boum, ça, ah ouais, si ça bouge bien. Ça perd un peu de son charme. Non, non, parce qu'elle est insipide la première. Non, mais non, elle est insipide. J'ai pas entendu la. On fait maintenant il y a des vrais acousticiens qui arrivent à faire à ton. Parce que parfois, ils te mettent un petit aparté. Ils te mettent des formes d'ondes que ton oreille, en tant qu'homme, va recevoir une femme différemment, et c'est fait sur un spectre musical. Tu me suis un petit peu? Non. Tout ça. Non. S'il y a des ondes quand tu fais. Non. Vous avez déjà vu un S? Non, mais cela dit, tu parlais, je vais quand même écouter la nouvelle version. Mais la version du Brian César Orchestra, elle déglingue. Elle a même été reprise en live tellement le son était. Donc la nouvelle version. Non, non, pas la nouvelle version. Elle est, l'ancienne. Il a des. Non, c'est pas l'ancienne. c'est une version intermédiaire. Ouais, non, mais parce que je trouve qu'elle déglingue. Ah oui, d'accord. Et elle reste dans l'esprit de le. D'accord. Du titre original. Tu connais la. J'ai envie de le dire. La sinusoïde d'un son. T'as déjà vu un S qu'on voit dans les films avec ce S? Voilà. Il veut dire oui. Donc ça correspond à des fréquences. Il y a des mecs maintenant qui mettent des musiques, ça cogne, et à un moment ils accordent vraiment de telle façon que par rapport au rocher interne d'une femme ou d'un homme, il y a cette fréquence qui vous met en vibration et parfois une musique vous fout des frissons. Croyez pas que c'est parce que vous aimez le chanteur ou n'importe quoi, c'est qu'à un moment ça vous touche parce que ça met en résonance en fait avec la pulsation de votre cœur, ça met en résonance votre rocher et votre oreille interne. Et il y a des spécialistes maintenant qui arrivent à mettre des musiques où quand tu l'entends à n'importe quel moment, tu jouis sur place. Alors que le mec, quand tu le vois, tu dis t'as pas envie de l'écouter, mais la musique elle cogne. Et Hawaii Police d'État, peut-être pas à ce niveau-là, mais on sent. Non, il y a des acousticiens qui t'ont repris ça et ça cogne, c'est vraiment, voilà, je voulais m'exprimer. Au revoir. Ben non, mais pourquoi pas. Et alors tiens, il y a un truc justement, parce que ça devient une mode maintenant, on reprend des films ou alors on reprend des feuilletons, on fait des remakes et tout ce que il y a des remakes que vous aimeriez qu'on refasse, tiens justement. On a fait un film avec Miami Vice, on a fait un film avec Starsky Hutch. Est-ce qu'il y a un feuilleton que t'aimerais qu'on fasse Oui. Moi j'en ai un. C'est quoi? Je dirai après, vas-y, on y ça. Attends, laisse-moi réfléchir. Ah, bon, d'accord. Il y en a eu il y a quelques années, c'était en 2012, je pense. Ouais. 2010 ou 2012, il y a eu K2000 qu'ils ont refait. Ouais. Non, mais il y en a un que t'aimerais qu'on refasse aujourd'hui? Mais K2000, par exemple, parce que j'avais bien aimé la série, mais j'aurais bien voulu la revoir vraiment avec la Pontiac Transam de 82. Parce que là, ils avaient pris une Dodge ou un truc comme ça, je crois. Ça n'avait rien à voir. Et sinon après, MacGyver, mais là pareil, ils vont faire la jeunesse de MacGyver, donc. Ah oui. Magnum, ouais, peut-être, ça peut être rigolo. Oui, je pense à ça justement. Il faut vraiment. Ouais, je te suis, mais il faut vraiment que le Magnum soit. Parce que c'était Tom Selleck qui faisait quand même ce personnage, parce qu'il avait tout et rien, ce mec-là. C'était vraiment aussi avec sa moustache. Il faut vraiment un mec qui incarne. Je suis d'accord. Derrière, quand tu regardes les épisodes, bon, lui, entre Higgins, je crois, avec Zeus et Apollon, les chiens, il faut vraiment qu'il y ait une histoire, mais il faut vraiment que Tom Selleck. Il faut vraiment le personnage, là. À la limite, Miami Vice, il y a même eu le film ou n'importe quoi. Il s'inspire en fait d'une histoire. C'est comme Tom Clancy qui a écrit plein de films. Ils ont fait Octobre Rouge, machin, La Somme de Toutes les Peurs. Ils s'imprègnent d'un gars qui sait écrire. Et je trouve que Magnum, c'est pas très bon. Mais c'est Tom Selleck qui a réussi à mettre ce. Il y a une série. Alors, je sais même pas si vous la connaissez. Ça s'appelait Superminds. Oui, Superminds. Superminds, c'était avec Courteney Cox. Le premier rôle dans une série de Courteney Cox. Qui était. Je connais Superwomanes. Non, là c'était Superminds. Alors le titre anglais c'est Super Science. Et en fait, alors dedans, il y avait donc. C'est dans les années 80. Oui, c'était dans les années 80. Avec Courtney Cox. Oui. Ah ouais. Il y avait donc un gars qui était un scientifique qui était le papa dans Alf. Will Tanner, qui était donc qui tenait un laboratoire. Il y avait donc un jeune qui lui est décédé. C'est pour ça que la série s'est arrêtée. Je ne sais plus son nom. Par contre, il y avait un Black qui était donc assez grand, qui était par contre nul au basket, mais je sais pas, il avait eu des pouvoirs et quand il appuyait dans sa nuque, il devenait grand comme un doigt en fait. Il faisait 10 cm à peu près. Courtney Cox, elle avait des pouvoirs de télékinésie. Absolument. Et il y en avait un qui était rocker, donc là, avec le perfecto et tout ça, la banane. Flipkat. Voilà, c'était un peu Flipkat, qui lui en fait avait le pouvoir d'avoir de l'électricité dans le corps et qui pouvait balancer des salves d'électricité. Et je trouvais la série excellente. Ils l'ont remixé sur Sci-Fi. Hein. D'accord. Remixé, ça je savais pas. Pendant qu'on parle à la radio, laisse-moi 30 secondes, je vais te retrouver le titre. Ils ont refait ça sur Sci-Fi avec exactement les pouvoirs dont tu me parles. Et je vais avoir un grand blanc parce qu'il faut que je retrouve le titre. Je l'aurai pas là tout de suite, je vais vous le retrouver, mais ça existe vraiment, c'est exactement ça, je sais de quoi tu parles et ça a été refait. Je vais essayer de. Et moi, aujourd'hui, je vois, je vais vous dire déjà qui je vois en Black. Alors le. C'est The Rock. Le générique, c'était ça. Tan tan tan, absolument. Those misfits, misfits of science, ha ha. Wild and crazy scientific guys, I love them. Yeah, the old misfits. Oui, je disais, on a plus une culture, nous, c'était un peu plus underground, vraiment déjà branché. Mais en tout cas, on reconnaît bien un peu l'esprit des années 80, ça c'est sûr. Mais moi, j'adorais ces maîtres, je vous mets le personnage, un mec comme The Rock, vous voyez et à côté de ça, un Jim Carrey, et à côté de ça, Statham. Et avec ces trois acteurs, peut-être deux autres un peu plus modernes, etc., et refaire l'Agence Touriste. C'est marrant, je suis content, je t'ai induit. Et je me dis, mais alors The Rock, oui, d'accord, mais vraiment un personnage, un mec connu, et refaire l'Agence Touriste en ciné-film, mais avec un Jim Carrey. Ils avaient refait un film. C'était Liam Neeson qui faisait le rôle de Hannibal. Ouais, j'ai pas aimé, j'ai pas accroché. Parce que les ficelles étaient reprises, mais moi, c'est vraiment reprendre le film avec des moyens techniques et tout ce que tu veux. Mais le refaire avec notre humour maintenant, il faut le recomposer. Mais l'Agence Touriste, c'est ces mecs de la CIA qui essayaient d'aider des gens et tout ça. J'aurais vraiment aimé voir des feuilletons. Moi, je trouve que j'ai l'impression que les feuilletons de l'époque, quand on en a fait des films ou des remakes, on les a tournés en dérision. Je sais pas, c'est l'impression que ça me donne. Ouais. Quand je vois Starsky et Hutch, Miami Vice, là, j'ai pas été voir Alerte à Malibu. Il y avait ça aussi, hein, mais qui a été refait, qui a été refait en film. Ah non, c'est pas ce que je crois. Attends. Non, c'est pas Chips. Shérif, fais-moi peur. Ah oui, non, non, je pensais, mais avec l'homme qui valait 3 milliards, ils en parlent. Ouais, mais après, ils reprennent en fait des licences. C'est des histoires. Ah ouais, non, mais c'est clair. Mais on pourrait en parler des heures et des heures. C'est vrai que leur passe. Moi, j'aimerais bien les Envahisseurs avec David Vincent. Ah, c'était bon. Je me demande si ça n'a pas été refait, ça. Ah, pas ma connaissance. Non, premier, je pense que Allez. En France. Non, non. Ah oui, par les inconnus. Bisous, monsieur Vincent. Mais je me demande si ça n'a pas été refait, si ça n'a pas été modernisé. Mais par contre, parce qu'il y a beaucoup de séries aujourd'hui, il faut aller sur des chaînes payantes, ou alors il faut aller sur YouTube pour les voir. Et je me demande si les Envahisseurs, ça n'a pas été refait, vraiment. Je sais pas. Ah non, je confonds avec la quatrième dimension. Ah ça. Ouais, toi, la raison. Alors, Onissa, je te pose une question. À quoi reconnaissait-on les Envahisseurs? Parce que tu aurais adoré. non, c'est pas ça. C'est pas comme... À quoi les reconnaissait-on? On te passe le micro. Je te laisse deux secondes. Allez, vite. Par leur petit doigt, absolument. Par leur petit doigt, ils avaient toujours le petit doigt tendu. Voilà. À quoi reconnaît-on Canon? il a la langue bien pendue. Ah, je pense que toi, tu aimerais peut-être qu'on refasse ça comme série. Un jour, mon prince viendra. Ah, attends, ah oui, dis pas. Attends. Attends, dis pas. Laisse. C'est un enquêteur, hein. Ouais. Oui. Matt Houston. Pas du tout. Ah non, non, ça, non, j'aurais bien aimé aussi. Attends. Matt Houston. C'est avec Pierce Brosnan. Ah oui, évidemment. Le truc bleu, là. Non. Ah non, il se faisait passer pour un détective. C'était pas lui, c'était la femme qui le faisait. Oui, ah, rappelle-moi, oui, c'est oui, bien oui. ça. C'était les enquêtes de Remington Steele. Oui, de Remington Steele. Ah, oui. Et un truc que j'ai revu il y a deux semaines de ça, mais c'est très court, ça dure une minute et demie, c'est revoir Bruce Willis à l'âge de 18 ans avec des boutons. Quand, aidez moi, il a commencé, il jouait avec une femme. Claire de Lune. C'est impressionnant, hein. Ça te parle pas? Non. Tape une fois sur. Tapez tous une fois Claire de Lune avec Bruce Willis. Je connais, moi je connais. Oui, bien sûr, mais les auditeurs. M6, évidemment, Bruce Willis que vous avez connu à 18 ans, il avait 18 ans et demi, hein, ouais. Il paraît un mec de 25-30 ans. Hein. Il a 18 ans et demi, et en fait, c'est ses premières apparitions. Ça, c'est le générique. C'est bon. J'ai jamais dit à Onissa les amis, bonne, mais vous toi, savez quoi c'est bon. Vous savez quoi, c'est un sujet qu'on va relancer, on relancera la semaine prochaine. On va le garder sous le coude. On va garder sous on le coude. On se le fait. Et bien sûr. On se fait les meilleurs feuilletons qui nous viennent. Ouais, parce qu'il y en a. Hein. Ah ouais. Et on se retrouve. On se fait. On se refait plein de feuilletons des années 80. On va faire une petite rétrospective la semaine prochaine. Allez, ce qu'on fait, c'est que chacun vient la semaine prochaine avec un feuilleton des années 80. Ça vous tente? Ouais. Hein? Et chacun viendra en parler. Et puis. Ça marche. Nous dire, ah, tiens, ça, j'adorais ça. J'adorais un feuilleton. Ça. Ok. Celui qui nous a branché le plus. Et celui qui tombe sur le même feuilleton que l'autre, il paye sa tournée. Ça marche? Ah, moi, ça serait un truc que vous connaissez même pas. Ok. Eh ben écoute, ça marche. Enfin, on fait comme ça. Si, on connaît, mais peut-être un peu moins. C'est underground. Lui, il va connaître. Mais attention, Laurel et Hardy, c'est pas années 80. Hein. Ah non, t'inquiète pas. Bon, bah écoute, Sherlock. Bon, on va se quitter avec un titre. Oui. Je crois qu'il est d'occasion, parce que là il fait tellement chaud. D'occasion. De circonstances. Ah, d'accord. Mais tu sais, quand t'es bourré que t'as chaud et que t'as pas fait l'amour, toi tu as de l'humour. Alors c'est un titre de seconde main. Hein. Non, mais. Hey. De circonstances. Mais t'as vu, dès qu'il a pas baisé 3 jours, lui il commence à avoir de l'humour. C'est pour ça que je me marre tout le temps. C'est un titre qu'on a utilisé notamment dans une pub. Qui s'appelle Esa Mosata Differente. Elsa c'est Chico Buarque. Pour le Schweppes. Chico Buarque. Voilà, c'est le Schweppes. Pour le Schweppes. Eh bien, on va se quitter sur cette chanson-là, évidemment. Oui. En remerciant, évidemment, tout le monde. Merci à Onissa. Allez, une bonne soirée, une bonne semaine à tous. Bonne soirée. Merci, Canon. Bonne soirée, je vous attends tous le 24. Le 24. Alors, les auditeurs qui veulent, mais par contre, vous, RQC, franchement, il y en a plein. Si on vient voir, venez boire un coup. Venez boire un coup. Le 24. Ouais, bien sûr. Mais venez voir. Ah, bah, attends, c'est prévu. Ah, oui, venez boire un coup. Moi, je suis en spectacle, j'ai oublié de le dire quand même. Hein. On devait en parler. Alors là, faut savoir ce que tu veux. Non, fallait le prendre avant, tu vois. Mais vas-y, non, si, il faut parler de Nissa. On n'en a pas parlé. C'était quoi ce bruit? On vient d'entendre ça. Mais c'était quoi? Donc, oui, moi je suis au Staquet ce week-end avec la boîte à musique d'Emily. Ah, bah ça c'est une bonne pour nouvelle. Le spectacle pour les 10 ans de la boîte quand même. D'accord, et c'est toi qui fais bonbons, chocolat, cacahuètes, c'est non, ça? Non, moi je danse avec les bananes. Tu vas faire Josephine Baker? Non, on fait un truc sympa. Mais allez, c'est avec les bananes. Attends. Si. Excuse-moi, Harry, laisse-la parler parce que c'est la promo la plus chiante. J'ai rien compris et tout ça. Donc, au Staquet, tu vas être sur scène, toi, Onissa, de la radio RQC. Mais non, pas que moi. Non, mais toi, tu seras là. Oui, je bon, on s'en fout des 400 élèves, donc toi, tu seras là. Si, avec la boîte à musique. Parce que on s'en fout de la boîte à musique d'Emily, mais toi. C'est les 10 ans de la boîte à musique. Je serai sur scène, mais très peu. C'est ce qui est frustrant pour moi. D'accord, mais on te verra nu. Non, un petit peu habillé quand même. Ça changera. Ils vont dire oui. Oh. Bah non, ils vont pas venir, t'es fou. Mais on a deux, on a deux auditeurs sexagénaires qui arrêtent pas de nous appeler. Mais oui, absolument. Et bah, pour voir Flipcat en kilt ou toi nu. Ah ouais, absolument. Et bah, ils auront les deux. Voilà. Si Jean-Marie nous écoute, par exemple, il aurait peut-être envie de venir te voir. Ouais. Donc, et après, j'irai rejoindre toute l'équipe au Touareg, n'est-ce pas? Ah, bien. Bon, bien. C'est le soir, hein, on est d'accord. Oui, c'est, bah, le soir. À partir de 20h. Mais je, voilà, je commence à chanter vers 8h30. C'est un set de 2h et je vais faire des pauses toutes les 30 minutes pour discuter. Donc, ça va durer. C'est la fête de la musique. Ouais, hein. Voilà, et après, moi, je me fais un after jusqu'à 10h du matin. Ok, ben, on va combattre. Oh yeah, c'est le piège. Super. Elle est top. Bon bah écoute, c'est noté en tout cas le 24. N'oubliez pas aussi le 25, donc l'apéro thé dansant, donc avec Fabrice Joseva dans le cadre donc de l'association donc un rêve, une étoile et tout est possible. Oui. Presque permis, mais tout est possible. Merci Flipkat. Je t'en prie. Belle chronique en tout cas. Ouais, bah, pas franchement, une chronique éclair. Ouais, c'est elle m'a pris du temps, j'avoue, mais bon. Non, bah, en tout cas, j'ai adoré les trois mots que tu as sortis ce soir. Non, mais je vais apprendre un petit peu à te couper la parole. Ouais, pas tout, vas-y. Je vois pas pourquoi je m'emmerde. Mais c'est pas, mais c'est pas me couper la parole. Hein. C'est intervenir. C'est intervenir, c'est différent. Je n'ai pas été éduqué comme ça, donc. On va t'éduquer. Et ta mère, elle t'a éduqué à faire des tatouages et être un rebelle. Non, ça c'est moi. Ah bah donc éduque-toi à lui mettre des baffes. Voilà. Ça m'empêche pas de voilà, dans le cadre de mon éducation, de respecter les voilà. Mais je vais apprendre à te couper la parole. Je vais même pas apprendre. Respecte, tu as raison, les peuples et les religions. Tu as raison, Flic. Exactement. Les peuples et les religions. Oui, c'est à toi. Mais je vous en prie. Merci pour le rétro ciné 81 et puis pour les sorties cinoche. Oui, merci pour tes chroniques, t'es le seul à avoir bossé quand même ce soir. Ouais. C'est vrai. Ouais, j'ai bossé aussi un peu moi. Oh. C'est vrai, je suis déjà en train de bosser pour le mois de juillet, août. Hein. Ouais. Bah ouais, j'ai bossé sur le Slow TV, j'ai bossé sur. Attends, c'était Sherlock qui parlait là. Donc tu disais. Bah je disais, moi je vais me remercier. Non, je vais me remercier tout seul, donc merci Canon. Merci Harry. D'être là avec. voilà, beau, intelligent, surtout très modeste, et continue à cultiver cette troisième qualité avec beaucoup de puissance. Fais gaffe, tes chevilles elles enflent. Ce n'est pas ma cheville. Non, pour l'instant, c'est sûr. C'est sympa. Allez, à la semaine prochaine, même heure, même antenne. Allez, ciao, ciao. Bien, ciao. Ciao. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá e pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida a se super modernizar. Ela só samba escondida, que é pra ninguém reparar. Eu cultivo rosas e rimas, achando que é muito bom. Ela me olha de cima e vai desinventar o som. Faço de um concerto de flauta e não me desperta emoção. Ela quer ver o astronauta descer na televisão. Mas o tempo vai, mas o tempo vem. Ela me desfaz, mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem. Ela me desfaz, mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça é a tal da janela que eu me cansei de cantar. E agora está só na tela, botando só pra quebrar. Mas o tempo vai, mas o tempo vem. Ela me desfaz, mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem. Ela me desfaz, mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem. Essa moça...